On commence tout de suite ici avec l'heure du thé à travers le monde. Comment prenez-vous votre thé? La question paraît simple, mais ce choix individuel a souvent une connotation culturelle. Le thé, eh bien, c'est la boisson la plus consommée à travers le monde après l'eau. Or, tous les habitants de la planète ne consomment pas leur thé avec du lait ou du sucre. Oh que non! Dans certains pays, le thé vert est beaucoup plus commun que le thé noir. Dans certaines régions, c'est plutôt le thé glacé qui est à la faveur du public. Alors, voici un petit tour d'horizon de différentes manières de consommer le thé à travers le monde. Le thé noir. Eh bien, ça, c'est au Royaume-Uni. Le thé noir est un trait marquant de la culture britannique, bien que le Royaume-Uni n'en soit pas un producteur. Ses résidents le consomment depuis que la princesse Catherine de Brangance l'a popularisé auprès de la famille royale au 17e siècle. Les Britanniques aiment infuser leur thé noir dans un sachet ou un tamis, puis le servir avec un peu de lait et des fois un peu de sucre, mais c'est en option. Moi, je pensais que c'était Astérix puis Obélix qui avaient amené le thé hein, dans Astérix chez les Bretons. Je pensais que c'était ça. Désolé. Au Japon, le thé vert est sans contredit le plus apprécié des Japonais. Sa saveur est souvent rehaussée d'une touche de riz noir grillé. La culture japonaise se distingue par ses cérémonies de thé traditionnelles dans lesquelles le thé vert en poudre ou le matcha est servi selon un rituel bien précis. Bien que les Japonais soient fiers de cet héritage, leur usage quotidien consiste à boire le thé dans de petites tasses en mangeant une petite collation demi-journée. Si on se transporte plutôt vers la Chine, aucun pays ne consomme autant de thé que la Chine, puisque cette boisson fait partie des mœurs locales depuis des milliers d'années. Plusieurs variétés se disputent la faveur du public, dont le thé noir, le thé vert, le thé blanc, l'oolong et le thé au jasmin. Les salons de thé sont omniprésents dans toutes les régions du pays et le thé y est la plupart du temps consommé chaud, sans lait ni sucre. Donc, hein, on pourrait dire que la Chine, hein, c'est le pays du thé. Ça, oh, c'est sans contredit. Hong Kong. Les résidents de Hong Kong apprécient la plupart des variétés de thé chinois, mais leur spécialité est le bas de soie. Le bas de soie, c'est une boisson froide composée de thé noir et de lait condensé qui tire son nom de la membrane, servant à filtrer le liquide dont la texture rappelle souvent les bas de soie féminins. Donc, thé noir et lait condensé, ça va vous donner un thé quand même assez sucré. Hein? On peut deviner ça. Maintenant, on va vers l'Inde ici. Les Indiens ne se contentent pas de boire beaucoup de thé. Ils figurent aussi au deuxième rang des plus grands producteurs mondiaux derrière la Chine. Le chai masala, le thé noir servi avec du lait, du sucre et des épices telles le gingembre, la cannelle et la cardamome est une préparation dont ils raffolent. Hein? Le fameux thé chai. Mais je veux juste ça, il n'est pas écrit dans l'article, mais j'aime mieux juste vous dire thé chai. Quand vous dites ça, là, et quand vous voyez ça inscrit sur une boîte, ben dites-vous qu'il est comme écrit thé. Parce que chai, en Inde, eh bien, le chai, ça veut dire le thé. Donc, c'est du thé. Hein? Ici, on a dit le chai masala. On aurait pu dire le thé masala. Tout à fait. Donc, c'est pareil comme un poulet masala. C'est à peu près les mêmes épices pour vrai. Gingembre, cannelle, cardamome, etc. Toutes ces grosses épices-là qui sont très, très goûteuses et qui sont très, très, très bonnes et remplies d'huiles essentielles intéressantes pour la santé. On vient de le dire. Maintenant, on va plutôt vers le Maroc. Le thé marocain, aussi appelé le thé à la menthe du Maghreb, est un type de thé vert dans lequel baignent de nombreuses feuilles de menthe. Cette boisson sucrée est versée dans de petits verres transparents à partir d'une théière argentée tenue à bonne hauteur. Sérieux, le thé marocain, c'est excellent. Hein? Pour vrai, le thé à la menthe, c'est très, très bon. Dans le sud des États-Unis, les Américains consomment le thé de plusieurs manières, mais les résidents du Deep South ont une prédilection pour le thé glacé au citron. C'est une boisson relativement corsée et sucrée à laquelle ils ajoutent un soupçon de bicarbonate de soude afin de couper l'amertume. Eh bien, ça, je l'apprends. En Turquie, les Turcs sont souvent les champions mondiaux de la... sont sûrement des champions mondiaux de la consommation de thé par habitant. OK. Le thé turc ou le kai est une infusion très forte servie sans lait et par contre avec 2 cubes de sucre dans des verres traditionnels en forme de tulipe. Donc c'est presque une coupe, hein? Vraiment bien. Et finalement, on va aller vers le Tibet. Ici, on s'en va vers un autre thé complètement que j'ai découvert grâce à Rampa, hein? Lobsang Rampa, qui est finalement peut-être un charlatan? Ben oui, mais c'est pas grave. Il nous a quand même fait rêver. Tous les adolescents, à un moment donné, ont voulu lire Rampa. Et puis, ça donne le goût du voyage. Et puis, ça donne le goût de la spiritualité tibétaine. C'est le thé au beurre, aussi appelé le pocha, qui fait partie de la culture tibétaine depuis plusieurs siècles. Il doit être infusé assez longtemps, jusqu'à une demi-journée, afin de prendre une couleur très foncée. On y ajoute du beurre de yak, afin de fournir au consommateur des éléments nutritifs et l'énergie dont il aura besoin pour affronter le rude climat montagneux de cette région. C'était le thé à travers le monde. Maintenant, je vous présente une péniche aménagée sur la Seine qui va vous faire rêver. Sérieusement, ça donne le goût du voyage, ça aussi. Là, si l'ordi peut aller réveiller, oui, il se réveille. Donc, au départ, c'était une vieille péniche baptisée par un... une vieille péniche habitée par un couple de personnes âgées. Les nouveaux propriétaires de cette péniche me connaissaient. C'est pourquoi ils m'ont sollicité afin que je procède à la rénovation intégrale avant qu'ils y emménagent. Donc, on a tout cassé en retournant à l'état brut du bateau et même touchant la coque. L'aménagement existant n'était que partiel, mais on a décidé d'exploiter la totalité du volume disponible et ça donnait une transformation totale à l'intérieur pour pouvoir vivre dans cette péniche, dans l'esprit d'un loft contemporain. Comme en témoignent les photographies, vous pouvez aller voir via la page Facebook du Dîner de con. Je cite celui qui a conçu la péniche. « J'ai voulu rester très simple en mettant l'accent sur la durabilité, une très bonne isolation, le respect des normes et le fait d'aller vers des espaces plus grands et volumineux possibles en instaurant une réelle relation entre l'intérieur et l'extérieur. » Donc, je vous envoie ici à la visite d'un foyer insolite. Cette péniche mesure environ 30 mètres de long, 5 mètres de large et elle abrite une très grande pièce de vie avec une cuisine ouverte, un couloir desservant trois chambres à coucher et une salle de bain. Si l'architecte a très largement exploité l'espace disponible, la timonerie peut encore être aménagée. Au niveau de la coque, il y avait deux renforcements en partie haute, à bâbord et à tribord, que l'on a supprimé. Par ailleurs, la coque a été repeinte et l'entretien courant de la péniche réalisé. Il faut savoir que toutes les péniches habitées sont mises hors d'eau environ tous les 10 ans. C'est ce que précise Yann Coulharm. Une péniche se dilate, s'étire et se contracte selon la température. Il est donc nécessaire d'intégrer cette contrainte technique au départ, notamment en installant des joints de dilatation. Sérieux, allez voir les images, là, ça parle. Une fois que l'on pénètre à l'intérieur de la péniche, toutes les pièces sont situées au même niveau. À l'intérieur, on dispose d'une belle hauteur au centre et à la hauteur périphérique qui est plus basse. Elle est d'environ 2,10 m. Comme on a abaissé le sol de l'espace à vivre, l'intérieur manquait de luminosité. On a donc naturellement fallu imaginer de nouvelles ouvertures. On a pratiqué des percements, pour installer des hublots d'appoint en partie plus basse parce qu'il y avait déjà des fenêtres, mais on a rajouté, parce qu'il était très haut, on a rajouté des fenêtres beaucoup plus basses. Donc, il ne faut pas se promener tout nu parce qu'on va vous voir le zouiz. On pénètre à l'intérieur de l'habitation par un bel escalier en bois clair pour arriver sur cette très grande pièce à vivre. Un espace contemporain d'inspiration vraiment loft qui comprend salle à manger, cuisine au sol. C'est du parquet en chêne massif. Les lames sont posées dans le sens de la longueur pour donner une impression d'étirement de l'espace. Encore ici, là, tantôt, quand on parlait de l'application Mubrix, eh bien, je verrais des meubles comme ça qui peuvent se transformer au fil du temps selon les besoins. Une bonne partie des meubles appartenaient déjà aux clients. Ils avaient déjà de beaux meubles comme des fauteuils et canapés Togo de Michel Ducroix en blanc. Ils fonctionnent comme un cocon d'élégance et de confort au cœur du salon. Les ouvertures hautes existaient, mais on a remplacé les vitrages existants par des vitrages neufs qui sont plus isolants. Ces ouvertures donnent sur le ciel, tandis que les hublots permettent de voir la Seine ainsi que la rive. C'est ce qu'ajoute l'architecte. Vue de la chambre parentale, elle est située au fond de la péniche et donne par conséquent sur l'avant du bateau une porte en acier existante, restaurée et utilisée comme porte de dressing, anime cette pièce tout en la dotant d'un caractère assez particulier et d'une élégance vraiment... vraiment bien. Cette porte constitue la pièce maîtresse de cette chambre en permettant de jouer sur le contraste entre un esprit contemporain et les éléments caractéristiques d'un vocabulaire fluvial. Effectivement. Et on a aussi conçu une chambre pour les fillettes. Chaque chambre ayant son propre hublot, des chambres bien équipées, parfaitement adaptées pour des enfants. Moi, je vous dis, allez voir ça. C'est magnifique. Le fait de vivre sur une péniche. Moi, où j'ai vu des gens vraiment vivre beaucoup sur les péniches, c'est à Amsterdam, en Hollande, bien sûr. Il y a de superbes péniches. Il y en a qui font vraiment dur, mais d'autres qui sont de véritables petits châteaux. De magnifiques lofts urbains, mais flottants. Et puis, en plus, vous pouvez le déplacer. Quoi de mieux? Tant qu'à rester dans le voyage, eh bien, on va ici y aller avec le top 10 des films qui donnent le goût de voyager. Vous rêvez de vous évader le temps que le printemps monte son nez, hein? Bien sûr, hein, le temps. C'est le fun toujours voyager puis revenir, puis le printemps est arrivé. C'est-tu pas génial? Eh bien, justement, pour se donner le goût de voyager, ben il y a des films, des fois, qui nous donnent le goût de partir. On commence tout de suite notre top 10 avec la 10e position. C'est le film La plage ou The Beach avec Leonardo DiCaprio. Sans être un chef-d'œuvre, La plage est un film phare, je vous dirais même un film culte, qui a inspiré toute une génération de voyageurs et a motivé un nombre incalculable de personnes à se rendre en Thaïlande. Et qui ne se souvient pas de la belle Virginie Ledoyen? Sérieusement, cette femme-là est magnifique. Se baignant aux abords de la superbe plage qui a été ce film tourné à Koh Phi Phi Lai, une plage. Le film La plage mérite bien sa place dans le top 10. En 9e position, Vicky Cristina Barcelona. Je connaissais pas ce film. Soleil d'Espagne, somptueux hôtel, repas copieux, jeu de séduction, crise existentielle, vino à volonté. C'est Scarlett Johansson et Penelope Cruz, ainsi que Woody Allen, qui est à la réalisation. Ça donne un film que nous pourrions regarder 100 fois par année. À chaque fois que nous finissons le film, nous avons l'irrésistible envie de nous retrouver sous un grand chêne en soirée, verre de vin rouge à la main en écoutant un guitariste espagnol jouer ses classiques. Le film Vicky Cristina Barcelona. Sinon, autre film qui donne le goût de voyager avant l'aube, tout est possible. C'est en route vers Vienne, Jesse rencontre Céline dans un train. Leur conversation crée une intense connexion entre les deux et Céline accepte de suivre Jesse à Vienne. Le film ne fait que suivre les deux jeunes amoureux en devenir qui arpentent la ville tout en discutant amour, philosophie et famille ainsi que du futur. Un film d'un romantisme incroyable qui mise sur le contenu plutôt que sur le contenant. Un classique qui a débouché sur deux suites. Ça doit être plus ordinaire. Hein? Là-dedans, il y avait Ethan Hawke et Judy Delpy, ou Delpy, comme vous voulez. Outsource. Outsource, eh bien, c'est un film que je ne connaissais pas. Vous n'aurez probablement pas entendu de ce petit film indépendant qui gagne à être vu. C'est un des rares films américains à avoir été tourné en Inde. Outsource est un film à la fois léger et brillant qui vous fera découvrir ce pays sous toutes ses coutures. Sans rien réinventer, on suit un Américain forcé d'aller s'installer ou d'instaurer The American Way of Doing Things dans une filiale indienne pour la compagnie à laquelle il travaille. Osez et vous aurez probablement envie de mettre les pieds en Inde. Au moins une fois dans votre vie, le film Outsource qui a gagné vraiment plusieurs prix à travers le monde. Sinon, Carnet de voyage. Carnet de voyage, lui, ça raconte l'histoire du voyage qu'a fait le Che Guevara, donc, en Amérique du Sud, en compagnie de son ami Alberto Granado, avant de devenir le célèbre El Che. Poignant et provoquant, nous voyons mal comment nous aurions pu vivre ce type de voyage sans nous aussi devenir des révolutionnaires acharnés. Ce film est d'une rare beauté et mérite amplement sa 6e place. En 5e place des films à voir et qui donnent le goût du voyage, eh bien, c'est « À la dérive » ou « Sideways ». Un petit favori qui met en vedette un de nos acteurs fétiches, dont Paul Giamatti. Deux amis dans la quarantaine alors vivent des vies plus que décevantes et se lancent sur la route des vents en Californie. Névrose, crise de la quarantaine, nouvelles rencontres, joie et déception ponctuent chaque minute de ce film délicieux qui nous a profondément émus. Hein, c'est ceux qui ont fait le top qui nous disent ça. Sinon, Slumdog Millionnaire ou Le Pouilleux Millionnaire, ce film se passe à de présentation. C'est un film vraiment très, très connu, classique des années 2000, qui montre l'atroce réalité de millions d'Indiens et qui, en même temps, nous fait vivre une grande aventure dirigée de main de maître par Danny Boyle. Ce dernier se mérite une 12e nomination sur le top 10 après La plage. Bravo, Dan! 3e film qui donne le goût au voyage, eh bien, c'est Itu Mama Tambien, OK. On se questionne encore sur ce qui nous empêche de décerner la Palme d'Or à ce chef-d'œuvre d'Alfonso Cuarón. Cette comédie dramatique, politique, érotique et mélancolique est un vibrant plaidoyer d'amour et même de la vie. Le sexe, la drogue, la pauvreté, le crime et le contexte politique mexicain de la fin des années 90 constituent la toile de fond de cette histoire racontant la transformation de deux adolescents qui s'embarquent dans un voyage qui changera leur vie à jamais. C'est simplement splendide. C'est Itu Mama Tambien. OK? En deuxième position, film encore ici, très, très connu. Oui. Film de Cédric Clapiche, L'Auberge espagnole. Un des films qui nous a donné la piqûre du voyage, hein, c'est L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche. Il demeura pour longtemps un long métrage qui justifie le dicton « Les voyages forment la jeunesse ». Des jeunes de tous les horizons partagent alors un grand appartement à Barcelone et vivront les plus beaux moments de leur vie. Il mérite sa deuxième, sa deuxième position pour son impact et surtout pour son originalité. Et finalement, dans la liste des films qui donnent le goût au voyage, eh bien, c'est La Cité de Dieu, City of God. La Cité de Dieu est l'un des meilleurs films qui existent, point à la ligne, même pas rapport avec le top. Même si les thèmes principaux ne sont pas le voyage, le film se déroule à Rio de Janeiro et dans les favelas avoisinantes. Bien que difficile à regarder, ce film est d'une puissance inouïe et chaque chapitre, oui, promet des rebondissements spectaculaires mettant à l'avant l'horreur ainsi que la pauvreté brésilienne. Si vous n'êtes pas le moindrement bouleversé à la fin de ce film, vous avez définitivement un cœur de pierre. Pour en savoir plus, eh bien, visitez le couple Globetrotter au bout du monde. Voyage. Intéressant, hein? Quand même, vraiment. Et puis, tiens, on va continuer. Je suis dedans. Là. On va y aller. On y va avec 8 bienfaits du gingembre sur votre santé. Il existe une multitude de raisons pour lesquelles vous devriez ingérer du gingembre et intégrer ce gingembre à votre alimentation sur une base quotidienne. Le gingembre, oui, a une longue liste de bienfaits pour la santé, aidant autant à soulager une indigestion qu'à renforcer le système immunitaire, ainsi qu'à combattre les symptômes du rhume et de la grippe, pouvant être consommé aussi bien cru que cuit. Oui, vous pouvez l'incorporer, donc, ce gingembre de plusieurs façons à vos recettes, en le râpant, en le pelant ou en le coupant en morceaux. Pour le conserver, eh bien, gardez-le au frais dans votre congélateur avec la peau. Moi, c'est la façon idéale que j'ai trouvée pour conserver le gingembre. Et puis, quand il est congelé comme ça, on attend quelques minutes et puis on le râpe. Il n'y a rien qui sert mieux que ça, autant dans les jus que dans les recettes asiatiques ou peu importe où. Si vous n'êtes pas un fan de son goût, vous pouvez l'ajouter sous forme de poudre à votre thé ou votre repas. Je trouve tellement que le gingembre en poudre n'a aucun intérêt culinaire, mais vraiment, on dirait que c'est du sable que tu rajoutes à ta recette. Mais bon, si vous n'aimez pas le goût, c'est triste pour vous, mais il y a quand même la façon, elle existe ici. Je vous envoie donc les 8 bienfaits du gingembre pour la santé immédiatement. Le gingembre pour réduire les nausées. Pour soulager vos nausées, préparez un thé au gingembre en faisant macérer une racine dans une ou deux tasses d'eau chaude durant environ 10 minutes. Le gingembre pour soulager une indigestion. Mâchez du gingembre cristallisé ou confit pour soulager vos maux d'estomac. Ça, là, le gingembre cristallisé ou confit, c'est magnifique. Je sais, c'est plein de sucre, mais c'est tellement bon. Un aliment anti-inflammatoire aussi, le gingembre, le gingérol et les huiles volatiles que contiennent le gingembre aident à réduire l'inflammation. Si vous avez des maux de dos chroniques, là, le gingembre est à intégrer à votre santé, à votre alimentation. Avec le gingembre, semble-t-il, fini les flatulences. Saupoudrez du gingembre frais sur votre gruau ou un sauté de légumes ou un autre et vous ressentirez vite les effets. Donc, plus de flatulences, moins de pets avec le gingembre. Pour soulager les crampes musculaires, hein, si vous avez des grosses cuisses, si vous avez les crampes musculaires après une séance d'entraînement, moi, c'est ça, j'appelle ça des grosses cuisses, consommez un smoothie composé d'une banane, d'ananas, de curcuma, de cœur de chanvre. Des cœurs de chanvre? Je m'excuse, mais qu'est-ce que les cœurs de chanvre? En tout cas, de gingembre et de lait de votre choix, ça va réduire les crampes musculaires. Le gingembre aussi pour renforcer votre système immunitaire. Le gingembre lacto-fermenté est une excellente source de bonnes bactéries qui renforceront votre système immunitaire et vous aideront à vous défendre contre les virus du rhume ou celui de la grippe. Le gingembre est aussi riche en antioxydants. Les antioxydants aident à réparer les dommages causés par les radicaux libres dans l'organisme. Pour une bonne dose d'antioxydants, essayez donc d'intégrer ce gingembre. Et on propose une recette de tonique au gingembre. Alors, ça peut être bien intéressant. Les liens sont via l'article sur la page Facebook du Dîner de con. Et finalement, pour réduire les douleurs menstruelles, une étude suggère que le gingembre serait aussi efficace que l'ibuprofène pour soulager les douleurs menstruelles. Et moi, je vous en ajoute un autre. Le gingembre serait à peu près un des seuls, semble-t-il, aphrodisiaque ou même Viagra naturel. Oui, il va aider l'irrigation des corps caverneux, genre, vous comprenez? Alors, si vous savez lire entre les lignes, le gingembre, c'est pour nous tous. Un éboueur aurait rempli son camion d'ordures de neige pour être payé plus. Hein? C'est une résidente à Milton, en banlieue de Toronto, qui pensait qu'un éboueur lui rendait service en pelletant une partie de son banc de neige. Mais les autorités municipales pensent plutôt qu'il emplissait son camion de neige sans, pour être payé plus. Donc, le sous-traitant pour lequel il travaille, Miller Waste System, est payé à la tonne d'ordures ramassées. Et de la neige, par contre, ça fond. Hein? Je vous dis ça de même. Le sous-traitant pour lequel, donc, il travaille pour eux. Tout a commencé lundi lorsque la résidente Hannah O'Sullivan a publié une vidéo de l'éboueur sur Facebook avec le mot « clic ». I love Milton, j'aime Milton. L'enregistrement ensuite fait boule de neige dans les réseaux sociaux. Le commissaire des travaux publics de la région de Halton, Jimmy Harnum, dit qu'il a tout de suite compris que l'employé n'était pas un bon samaritain en voyant la vidéo. Donc, la région ne paiera pas pour ce camion ce jour-là, dit-il. La compagnie Miller, qui dessert Milton depuis 2008, pourrait aussi écoper d'une amende. Monsieur Harnum croit toutefois qu'il s'agit d'un geste isolé. Si leur cargaison est pleine de neige ou toute mouillée, on connaît le stratagème et on refuse d'accepter. De l'accepter. Le maire de Milton, Gordon Kranz, dit que le conseil municipal examinera la question lors de la prochaine séance, tout en précisant que le sous-traitant avait fait un excellent travail jusqu'à maintenant. La région de Halton a renouvelé récemment son contrat avec Miller pour une durée de 8 ans. Une histoire à suivre. Et puis, tiens donc, il va y aller avec cette nouvelle ici. Il y a Björk, la célèbre artiste islandaise, hein? qui travaille désormais sur un nouveau projet. Nouvel album qu'elle promet plus joyeux. Eh bien oui. Donc, la chanteuse islandaise Björk a annoncé aujourd'hui, qu'elle travaillait sur son nouvel album qui s'annonce plus gay que le torturé Vulni Kura. L'icône de la pop expérimentale travaille de nouveau avec Alejandro García, le disc jockey vénézuélien qui est plus connu sous le nom de Arca, qui l'avait déjà aidé sur son précédent opus. Vulni Kura était sorti en 2015 après une longue pause de 4 ans dans la carrière de Björk. Celle-ci arrivait en effet, avait en effet pris du recul après avoir rompu avec son compagnon de longue date, l'artiste new-yorkais Matthew Barney. On est vraiment au début, je sais même pas si je devrais le dire, mais on a déjà 3 chansons avec Alejandro. C'est ce qu'a déclaré la chanteuse dans le dernier numéro du magazine N Hotter, spécialisé dans la mode et la culture. Le dernier album, on le surnommait peut-être Enfer. C'était comme un divorce. Donc maintenant, on fait le paradis, l'utopie. On a bien travaillé, on a marqué des points. Björk, qui a aujourd'hui 50 ans, explique qu'elle écrit continuellement des chansons dans son subconscient quand elle est au contact de la nature. Je vais dans mon chalet, j'y vais marcher en montagne et après 20 minutes, vous commencez à fredonner et la mélodie commence à sortir. L'Islandaise avait sorti Vulni Kura plus tôt que prévu après une fuite et elle avait dans un premier temps refusé de le diffuser en streaming, estimant de ne pas se sentir à l'aise à l'idée de distribuer gratuitement un album si personnel. Elle avait donc donné quelques concerts intimistes pour faire la promotion de Vulni Kura comme au Carnegie Hall et dans d'autres salles new-yorkaises. Björk avait ensuite entamé une série de concerts en Europe qu'elle a brutalement interrompue, estimant que ses performances sur scène lui demandaient une trop grande implication émotionnelle. Malgré les critiques, Vulni Kura n'avait pas été retenue pour les Grammy. Nommée à plusieurs reprises par le passé, Björk n'y a d'ailleurs jamais rien gagné. L'emblématique chanteuse islandaise reste une artiste d'avant-garde, comme en témoigne son clip pour la chanson Stone Milker de Vulni Kura. Le clip a été l'un des premiers tournés en réalité virtuelle où le téléspectateur peut observer la scène à 360 degrés. Alors, ben, pour se faire plaisir, pourquoi pas aller écouter cette pièce de Stone Miller qu'on écoute tout de suite dans le Dîner de cons. On y va avec Björk. Le film est en réalité donc virtuel à 360. Je vous laisse au bon soin de Björk. On se reparle tantôt. Restez là. A juxtaposition in a fade. Find our mutual coordinates. Moments of clarity. at last the view is fierce. All that matters is a who is open chested and who hands coagulated, who can share. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. C'est le fun quand c'est comme vrai. Ben oui. C'est symétrique. Quand ça suit. Quand ça suit métrique. Voilà. Allez, suis mes tricks. Suis mes tricks. C'est-tu pas... C'est bien essayé, bien essayé. Et suis l'actualité grâce à Sébastien Guertin, que voici en vedette dans son bulletin Guertin. Bonjour Sébastien Guertin. Bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue, joyeuse Pâques. Donc c'est le bulletin Guertin aujourd'hui et à chaque semaine, les mercredis matin, on parle d'actualité. Ouais. On essaie de démystifier un sujet quand même assez populaire de la culture générale de l'actualité. Ouais, de ce qui se parle dans ce temps ici. Là, c'est ça, c'est en ça. Essayant de pas trop me voler de stock pour mon émission de jeudi 13h. On garde l'exclusivité du bon stock. Je pense que j'ai battu un record, c'est la fois la plus tôt dans ma chronique où ce que je me plug. C'est parce que je t'ai quand même présenté. Si je t'avais pas présenté, t'aurais pu m'interrompre avant pour dire « hashtag jeudi 13h ». Ouais, ça aurait pu aussi. Ça aurait pu être drôle. La prochaine fois. Bref. Moi, je décide que c'est l'hashtag de l'émission aujourd'hui. Hashtag jeudi 13h. C'est l'émission de mercredi. Quoi, c'est ça? Hein, voyons donc, là. C'est ça? On donne des titres à nos épisodes de l'émission. C'est ça qu'on aime faire. Ça veut rien dire. Comme hier, c'était pauvre jeune Jeanne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai. Il faut écouter l'émission complète pour le savoir. L'émission. Si, ça volait un gag, là, tu sais. Il faudrait pas mettre de spoiler alert sur nos émissions. Donc, c'est ça. Actualité. Pas assez intéressante pour ton émission personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on récupère comme miette cette semaine? Ben, premièrement, c'est pas vrai. Parce que je passe ici avant de... Je fais mon contenu pour le jeudi tout de suite après que je passe ici. Fait que d'habitude, c'est plus... En fait, non, c'était plutôt... Vous avez plutôt le premier choix. Ouh. L'exclusivité. Ouh. Si on était à LCN, il y aurait un gros bumper d'exclusivité. C'est un mot distrait d'à peu près tous les gros médias dans ce temps-ci, mais exclusif sur tout. Ouais. Comme le disait d'ailleurs la clique du plateau, c'est pour ceux qui connaissent le blog. J'adore la clique du plateau. Il est vraiment drôle, d'ailleurs. Mais... il disait à un moment donné, lui c'était surtout dans la presse qu'il disait c'est rendu ridicule toutes les choses qui mettent exclusivité dessus, juste pour dire qu'ils ont comme une statistique qu'il n'y avait pas dans le journal de Montréal, puis là soudainement ils disent que c'est exclusif aussi. Il dit quand c'est vraiment une exclusivité, là, genre une affaire, là, vraiment un scoop, là, ils vont mettre quoi? Ouais. Hadouken exclusivité. C'est ça, méga ultra super exclusivité. Moi ce que j'aime c'est quand à la télé ils parlent qu'il y a une entrevue exclusive, mais qu'en même temps, au même poste, il y a aussi une entrevue qui était, tu sais, sont tout à préenregistrées, les entrevues, souvent avec des politiciens, tu sais. Mm-hmm. Fait que plusieurs exclusivités en même temps, ça me fait rire au bout. Et ce que j'aime particulièrement, c'est à LCN et à TVA, que c'est pas juste l'exclusivité, c'est que le fait que c'est en direct est quelque chose qu'il faut absolument montrer en graphique 3D, plein écran, avant d'aller au journaliste. Fait que t'as l'animateur qui dit « On rejoint en direct tel journaliste, direct !» Là, c'est écrit ça en gros fond, puis là, qui tourne, mm-hmm. Puis après ça, c'est le journaliste qui parle. Sérieux, tu devrais être comme en direct comme la majorité du temps. Là. C'est ça de la TV. En effet. C'est pas supposé être des reprises à la TV, mais c'est la majorité du temps. Je vais dire de quoi de chien. Quand tu manques de contenu, t'investis sur le contenant. Oh! Dis le gars qui vient de me féliciter pour mes beaux enrobages. En me disant que j'ai un surplus de poids. Non, c'est pas vrai. Ça t'a pas coûté trop cher non plus pour les fans. Non, c'est ça. J'ai pas mal fait ça sur mes temps libres pendant les vacances. Tu veux savoir le en direct de TVA, combien ils l'ont payé? Aye, ça doit être assez ridicule. Combien de personnes ont travaillé là-dessus, tu sais, sur l'angle, l'éclairage, la couleur, la police de caractère. Bref. Parlant de caractère, mon sujet d'aujourd'hui... Oh boy. Hadouken style. Le fait, c'est que pour une fois, ça fit. Mais ouais, c'est ça. Il y a eu certaines choses dans l'actualité cette semaine. Il y en a une qui m'a particulièrement consterné. Puis ça m'a amené plusieurs réflexions sur la vie au Québec. La vie en Mauricie, comme à TVA. Pas nécessairement à Mauricie, parce que c'est pas des députés d'ici. Mais là, le monde va peut-être se douter de quoi je veux parler. Moi, je veux parler de la belle relation de notre cher ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avec sa vis-à-vis péquiste, Mme Diane Lamarre. On en a entendu parler cette semaine. Mm-hmm. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, en gros, ce qui arrive, c'est que Gaétan Barrette, c'est un médecin. On le sait que... de profession, là, il est mm-hmm. radiologiste. On le sait que, bon, il est peut-être un peu patriotique envers son emploi. Ouais. Parce que, bon, on le sait, il était entre autres président de l'Ordre des médecins spécialistes. Il a négocié d'ailleurs des conditions de travail encore plus magnifiques que ce qu'il y avait déjà. À plusieurs reprises, tellement qu'à un moment donné, quand il a fait le saut en politique, on trouvait ça drôle. D'ailleurs, pour la CAQ à l'origine, on trouvait ça On était quelques-uns à se dire, ça serait drôle de chiffrer combien est-ce que Gaétan Barrette coûte au Québec par année, parce que lui-même, on le sait, il a eu un salaire assez monstrueux pendant, quand il était président de l'Ordre des médecins spécialistes. Juste son salaire de médecin était déjà immense. On a déjà parlé de 600 000 par année. Là. J'ai comme vu ce chiffre-là passer à une année pour dire, là, la moyenne des médecins, c'est de quoi comme, c'est dans le 300, là, peut-être, une affaire comme ça. Là. C'est quand même assez, assez impressionnant. Je suis sûr qu'il était payé en bacon. Oh, c'est méchant. Ça, par exemple, là, j'ai bien beau parler contre, mais moi, les jokes sont au poids. J'ai là, pas parlé de poids. Il aime le bacon. Comment tu sais qu'il aime le bacon? C'est un euphémisme pour de l'argent, vous savez. Okay. D'accord. Oui, c'est payé d'accord, en bacon. Monsieur. Ça fait payer en bacon. C'est ça le gag. OK, d'accord. J'aurais pu dire aussi en foin. Il est payé en foin. On va te le laisser. C'est quoi, tu trouves qu'il y a l'air d'une... Non, c'est pas... Ah! Tu peux rien dire! C'est pas nous qui l'avons dit. En 2016, tu peux plus rien dire! Hey, Mathieu, Sophie du Rocher Plante, calme-toi, s'il te plaît. Hey, justement, parlant de Sophie du Rocher et Mathieu Plante, comme si on était un couple, si Gaétan Barrette sortait avec Diane Lamarre, leur nom de couple... Barrette Lamarre? Non, Lamarrette. Lamarrette? Ouais. Wow! Bon... Qu'ajouter à cela? Qu'ajouter à cela? Tu peux rien ajouter à ça. Bon, donc, pour revenir, bon, ce que je disais, c'est que, bon, c'est assez documenté que M. Barrette est assez patriotique envers son emploi, sa job. Oui. Son domaine de travail, on peut dire, et pour différentes raisons. Et... Diane Lamarre, qui est la critique en matière de santé au PQ présentement, qui, elle, est une ancienne pharmacienne. Puis là, on le sait, les médecins et les pharmaciens, des fois, ça passe pas super bien. Fait que... Puis là, bon, apparemment que depuis... Ça, c'est récent qu'on en entend parler, mais apparemment que ça fait plusieurs mois que ça dure. Il y a une guerre verbale entre les deux, apparemment, à l'Assemblée nationale. Il y a eu des insultes qui ont fusé de part et d'autre des sièges de l'Assemblée nationale tellement que c'est rendu pour dire, puis on s'entend à PKP, c'est pas nécessairement l'homme le plus sweet sur Terre quand il est à l'Assemblée nationale. Il a lui-même traité Gaétan Barrette de Tartuffe, ce qui est pas très gentil. Oh ben. Non, en effet. Tartuffe, c'est un personnage de Molière qui est à la fois vil, mesquin et un peu niaiseux. Là. Mais... c'est ça. Donc, surtout mesquin d'ailleurs, même, en tout cas. Mais lui-même a écrit une lettre à Philippe Couillard pour lui dire qu'en tant que premier ministre, il devrait exiger de ses ministres qu'ils se comportent de manière plus respectueuse. Puis, entre autres, la quintessence de cette affaire-là, puis c'est là qu'on a entendu parler, c'est que, bon, les pharmaciens, pour la plupart, sont propriétaires d'une pharmacie. Mm-hmm. Ils ont une partie de leur revenu de là, mais il y a une partie parce qu'ils posent des actes médicaux comme tel, un pharmacien, c'est quand même ça fait quand même partie du personnel médical. C'est juste que les autres sont vraiment purement dans le privé, à 90%, même plus. Là-dessus, j'ai pas les chiffres, c'est pas pertinent de toute façon, mais bon, ils reçoivent quand même un peu de la même manière que les médecins, ils reçoivent certaines redevances par rapport à certains actes médicaux qu'ils posent. Là, dans les dernières années, il y a eu une modification de leur emploi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils posent plus d'actes médicaux qu'avant dans leur pharmacie privée, et ils sont rémunérés par le gouvernement pour faire ça. Là encore, le mécanisme exact, je le sais pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Puis, bon, apparemment que dans la première mouture de cette réforme-là, de comment que ça fonctionne, apparemment que les pharmaciens faisaient bien de l'argent avec ça. Apparemment. Et une des accusations de Barrette, puis là, je vais le dire généralement en substance, qu'est-ce qu'il disait, parce que lui, ça a été dit de manière beaucoup moins respectueuse que ça. Ce qu'il disait, c'est que Diane Lamarre, elle-même étant pharmacienne, était en conflit d'intérêts de discuter de ces questions-là. Puis lui, il l'a dit. Une des choses qu'il a dit, c'est qu'elle avait les deux mains dans le plat de bonbons, là, entre autres. Ouais. Drôle d'analogie venant de celui qui est tanné de se faire traiter de gros, mais en tout cas. C'est ça, hein? Mais c'est ça. Donc, ça a été dit de manière beaucoup moins respectueuse. Puis évidemment, il y a eu un build-up. C'était pas la première fois. Gaétan Barrette est reconnu pour être quelqu'un d'extrêmement rough dans sa manière de s'exprimer. Il est dur avec les gens. C'est pas pour rien qu'il avait été choisi comme négociateur pour l'Ordre des médecins spécialistes. C'est qu'en négociation, t'as pas le goût d'être contre lui. Ouais. Non, c'est ça, j'avoue. Hein, s'il fait juste dire « Ouais, c'est beau, correct. » Son nom, c'est Rambarrette. C'est ça, comme Rambo. Ouais, peut-être un peu le même genre, hein, des fois. Fait que la version médecin est donc gars de la construction, là. Mais on avait compris, ouais. C'est vrai que les deux ont comme un petit quelque chose de... Suranalyse pas mon gag. Ouais. Bref. Donc, c'est ça. Puis bon, il y a eu clairement là-dedans, il y a eu une... Puis là, je dis comme ça, ça n'a pas l'air si gros que ça, mais c'est quand même une accusation assez grave qu'il a faite. Elle s'est défendue beaucoup. D'ailleurs, dans la presse, ils ont fait un espèce de portrait un peu de Diane Lamar, c'est qui. Puis tu te dis, c'est pas le genre de femme qui se laisse marcher ses pieds de main. Mm-hmm. C'est quand même, mais tu sais, on se dit, ça a l'air d'être quelqu'un avec une assez grosse personnalité. Elle-même, elle y a répondu en disant jamais. Elle a dit que c'était de l'intimidation. Mm-hmm. Ce qui faisait, bon, ce qui est un terme qui a été très galvaudé dans les dernières années. Ouais. Là, on l'utilise à tort et à travers. Mais tu sais, elle s'est considérée intimidée par ça, a dit ben c'est vraiment une tentative de la faire taire, de passer sur des prétextes là, un peu n'importe quoi, parce que ça fait pas son affaire à lui. Ça a été dit même par certains de ses collègues parfois que Gaétan Barrette refuse toute forme de critique. Wow. Ce qui est pas un trait vraiment pratique quand que t'es dans le gouvernement. Non, en effet. T'es supposé être redevant. Ou en général. En général, ouais. Dans la vie, mais particulièrement quand que tu fais une carrière politique, tu vas te faire critiquer d'où? Ouais. C'est ça. C'est ça, là. Ça fait partie de... Puis, c'est ça. Puis là, il a à plusieurs reprises refusé de s'excuser. Il s'est finalement excusé hier, en minimisant évidemment beaucoup. Tu vois que c'était des excuses un peu de... De pas le choix, ouais. Là. Il minimisait beaucoup. Il disait, tu sais, mes paroles dépassent, ont dépassé ce que j'en pensais dans le feu de l'action, ouais. Ainsi de suite. Est-ce qu'il a dit le célèbre « Je m'excuse si ça vous a offusqué » comme dans genre « Je m'excuse pour toi et non pas pour moi ». Probablement, là, ouais. Honnêtement, j'ai pas lu les trucs en détail. Quand quelqu'un pense pas ses excuses, c'est la première affaire qu'on dit. Une des affaires qui, à mon avis, est un peu signifiant par rapport à des excuses, c'est la rapidité à laquelle ils viennent. Ouais. Ouais. Quand tu te rends compte que tu as fait une erreur, généralement, les excuses vont pas prendre une semaine ou six mois. C'est ça, ouais. Quand que ça prend autant de temps que ça, quand, que, entre autres, tu es allé à Tout le monde en parle, ouais. Tu sais, qui est enregistré jeudi, qui ouais. a passé dimanche. C'est ça, c'est le jeudi, hein, je pense. Quoi que c'est jeudi soir, mercredi, c'est jeudi. Mercredi. 100 000 semaines, bref. Ouais. La semaine passée, là. Ça a mm-hmm. pris presque une semaine avant qu'il fasse ses excuses ouais. comparé à ça, puis ça a été diffusé dimanche. Là encore, j'écoute pas, tout le monde en parle dans la vie, mais on sait ce qu'il a dit à peu près là-bas. Il a dit « Ben moi, j'ai pas à m'excuser, c'est ça la game en politique, c'est à l'Assemblée nationale, c'est ça qu'on est supposé de faire, c'est des joutes, c'est des... » Tu sais, c'est... Oui, il y a une partie de confrontation, puis de combative, puis de « J'ai pas à m'excuser de ça. » Ça, c'est ce qu'il disait à tout le monde en parle. Bon, on s'entend, c'est peut-être un peu un cliché de dire ça, mais ça reste qu'à tout le monde en parle, ça, c'est peut-être un petit peu de mouvance, pas tellement tripeux de PLQ, je sais pas ouais. trop ce qu'ils ont répondu, mais en tout cas là-dessus, moi je m'inquiète pas pour lui, je sais qu'il est capable de se défendre, là, puis Guillaume Lepage, c'est pas nécessairement l'intervieweur le plus méchant non plus. Non, absolument pas. Et t'as parlé de la clique du plateau tantôt, le blog, la clique du plateau, ouais. Qui font un résumé en très large, au sens très large. Sur leur site à chaque semaine, puis c'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour tout le monde en parle en général. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est un peu comme bien des affaires, ça a fait son à Radio-Canada, là, ça a fait son temps. Là. Ouais. Des fois, le trouble avec Radio-Canada, c'est qu'ils renouvellent pas assez. Mm-hmm. On espère que la soirée est encore jeune. Ouais. C'est ça. Mais petite parenthèse. Mais donc c'est ça. Puis comme je dis, il a fini par faire ses excuses. C'est quand même inacceptable que ça se soit fait. On espère que ça ne sera pas des excuses de « je m'excuse puis je recommence le lendemain ouais. aussi ». Ça, c'est l'autre affaire. Puis, donc, ce que je voulais en venir avec ça, c'est que moi, ça m'a amené à réfléchir sur est-ce que c'est vraiment nécessaire, ce genre de choses-là, à l'Assemblée nationale? Parce qu'on l'entend des fois quand même de dire « Ah, mais tu sais, c'est des joutes oratoires, tu sais, c'est normal qu'on s'enflamme. » C'est pas un sport, là. Hein? C'est pas un sport. Ouais. Puis une des choses qui a été soulevée, que j'ai trouvé pas pire, c'est qu'il y a un président de l'Assemblée, pareil comme quand on va dans les assemblées générales de l'OGE, par exemple, ou n'importe quoi, ce genre de réunion-là, il y a quelqu'un qui préside pour justement encadrer le débat pour que ça reste un débat et non des attaques personnelles. Mm-hmm. Une des choses, d'ailleurs, vous remarquerez souvent, quand on voit, mettons, aux nouvelles ou quand ceux qui sont vraiment dedans et que ça leur tente d'écouter le canal de l'Assemblée nationale, parce que oui, les travaux oui. de l'Assemblée nationale, c'est diffusé oui. constamment. Et c'est gratuit et c'est dans le bouquet à 25$ de vos câbles aux distributeurs locaux. Mais ça, je pense qu'il vient même si tu prends. Même si tu prends, il n'y a pas le choix d'être là. C'est sûr qu'il est là, 100%. certain. Ouais, puis me semble que c'est diffusé sur Internet aussi, mais honnêtement, c'est rare que je m'astreigne à ça parce que c'est souvent justement pas très. C'est un service qui rentre de le mettre sur Internet, là, ouais. Mais c'est surtout que c'est pas nécessairement plaisant à écouter, surtout que justement, des fois, c'est ridicule, surtout la fameuse période des questions, là, parce que. Les partis en fonction là, d'un certain calcul, entre autres par rapport à leur nombre de députés, puis tout, ont un certain temps de parole pour poser des questions au gouvernement ou à d'autres députés de l'opposition, ou ainsi de suite. Puis il faut qu'ils répondent, faut que les autres répondent aux questions aussi, puis tout. C'est là souvent que ça se rentre dedans. D'ailleurs, une chose, je parlais de la présidence d'Assemblée, vous remarquerez que c'est des fois un peu drôle quand ils se crient des noms entre eux autres, mais qu'ils finissent par s'adresser à Monsieur le Président. C'est que dans une assemblée comme ça, en théorie, justement pour éviter les débordements et les attaques personnelles, t'es censé de t'adresser à la présidence d'assemblée. De dire ce que t'as à dire à la présidence d'assemblée, au lieu de dire, mettons, par exemple, Monsieur PKP se lève et accuse Philippe Couillard de mentir sur les chiffres par rapport aux écoles secondaires de la Commission scolaire de Montréal. Genre. Exemple. Fictif. Au lieu de dire Monsieur Couillard, vous êtes un fiefé menteur, il va se lever, il va dire Monsieur le président de l'Assemblée, parce que présentement c'est un président. Monsieur Couillard est en train de nous mentir sur les chiffres qu'il nous dit. Mm-hmm. Merci. Ouais. Puis il se rassoit. Ça fait vraiment comme des frères et sœurs qui disent à leur mère ou à leur père tu diras à mon frère que c'est un moustache. C'est un peu ça. L'idée, c'est supposé d'être justement d'éviter les attaques personnelles. Ben, c'est que c'est un médiateur en temps normal, le président. Sauf que si le président le fait pas, Il devrait engager Anne-France Goldwater, elle ne serait pas professeure. Anne-France pour président. L'autre affaire, c'est qu'une bonne présidence d'assemblée, c'est quelqu'un aussi qui ne prendra pas position et qui va armer ça. Il n'y a pas d'affaires à donner, à faire de commentaires. Ça, c'est le bout de tout ce qu'Anne-France Goldwater aurait peut-être de la misère. Peut-être un peu, par exemple. Ça serait le genre à comme se lever et à péter sa coche elle-même. C'est ça. Moi, tout changer ça. Ben, c'est qu'il faudrait commencer par respecter les règles qu'on a. T'sais, comme là, ils ont mis un règlement parce qu'avant, tu pouvais applaudir à l'Assemblée nationale. C'est vrai, ce que c'est ça faisait, c'est que là, un député se levait, faisait un laïus. Là, le monde de sa gang applaudissait. C'était gossant. Fait que là, tu te retenais même pas qu'est-ce qu'il avait dit, c'était juste l'espèce d'effet de foule, là, tu sais. Mais là, est-ce qu'ils ont commencé à faire, là, comme on voit partout, là, juste de faire aller les mains en avant, comme ben, même pas, en fait. En brassant les mains? Même pas. Non, même ils applaudissent juste pas. Ah. Puis là, il a fallu, puis là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la présidence d'Assemblée, c'est le gouvernement qui le nomme, fait que là, c'est un député libéral, présentement. Mm-hmm. Puis lui-même a été obligé de faire de la discipline à sa gang, parce qu'il y a une couple de fois qui n'ont pas respecté le nouveau règlement. Sa gang! Parce que c'est le monde qui est élu, Colin. C'est le parti. Là. Parce que, bon, il y a un nouveau règlement depuis quelques mois à l'Assemblée nationale que tu n'as plus le droit d'applaudir. Il a fallu qu'ils punissent minutes au cachot. Le gouvernement. Pour là, ça a été comme regarde, on va arrêter les travaux aujourd'hui parce que le monde ne sont pas capables de respecter les règles. Puis ça a été ça. Ça. Pas à journée parce que. Si tu leur fais, on vous chope les mains. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est ça qu'on lui demande. Ouais. Ben, c'est sa job. C'est ça, exact. C'est ça. Mais c'est pour dire que, tu sais, tu dis ces élus-là, tu sais, on les a élus pour nous représenter, pour prendre les décisions importantes sur notre société, puis tout. Puis bon, là, je peux en beurrer épais sur l'importance de la fonction, là. Puis c'est infoutu de respecter un règlement comme s'il vous plaît ne pas applaudir après vos après que votre collègue ait dit quelque chose, et s'il vous plaît essayez de ne pas vous parler comme des enfants de 9 ans genre dans une cour d'école. Politiciens, c'est souvent, excusez-moi les politiciens qui nous écoutent, mais c'est souvent comme des enfants de 9 ans qui se chicanent dans la cour d'école. Tu sais, peut-être pas partir sur les théories du complot, mais bien souvent, tu sais, il y a des traits de personnalité qui amènent les gens à faire de la politique. Oui. C'est pas tout le temps l'altruisme. Non, non, non, non, non. Malheureusement, là, c'est ça qu'on aimerait. Mais une autre réflexion qui me venait avec ça, c'est que bon, on n'arrête pas de dire que ça, c'est une démocratie, il faut être démocratique, et ainsi de suite. Puis le mot démocratie, en fait, ça a eu une connotation négative jusqu'à à peu près 150 ans. Ah oui? Avant ça. Puis là, il faut retourner de pas mal loin pour comprendre c'était quoi un peu la question. Aristote. Quand tu roules tes R, c'est quand important. Tu roules tes R, c'est qu'en grec ancien, il fallait rouler ses R. À l'accord. Mais Aristote, qui est philosophe grec dans l'âge d'or d'Athènes, la philosophie, là, bon, ceux qui se rappellent dans leur cours de philo au cégep, en philo 1. Ouais, Mathieu, hein? J'ai pas chez ça, Philo 1? Là, je te redonne des cours. Hein. Ben, va falloir, Je m'étais déjà fait sortir d'un cours. Ah oui? Ouais. Ah, on a besoin de cette parenthèse-là plus tard. Ah, garde-la, retiens-la. Ouais, je suis curieux. Ça, en c'est le seul cours de toute ma vie que je me suis fait sortir. Parce que si on fait des parenthèses dans le truc de Sébastien, des fois, il perd le fil. Fait que pendant qu'il est encore dedans. Hein? Ouais. Fait que, très rapidement, Aristote, c'est un philosophe du genre 5e siècle avant Jésus-Christ. Moi, j'ai tout le temps de la misère avec les dates d'ailleurs, mais c'est à peu près à cette époque-là. Dans le genre d'Athènes. Ouais, en campé. Puis, bon. Aristote, lui, il aimait bien décrire ce qui se passait. Contrairement à, mettons, Platon et Socrate, hein, Platon qui faisait des grandes envolées théoriques puis tout. Bon, Aristote, lui, il restait un peu plus. Qu'est-ce qu'on observe? Puis là, Aristote, lui, il avait dit, bon, les cités, mettons, il écrit un truc sur la politique, puis qui s'appelle d'ailleurs La politique. Waouh, original, pis, hein? Ben, c'était descriptif, tu sais, ça. C'était le premier livre du monde, fait qu'il fallait l'appeler La politique, c'est ça? C'était pas le premier livre. Le premier livre du monde, il y a à peu près 10 000 ans, c'était pas que. Non, j'exagère là encore, là, mais bref. Puis là-dedans, il détaillait les systèmes politiques en trois grandes catégories qui avaient comme chacun deux sous-catégories. Puis en gros, ce qu'il disait, c'est que ça allait au nombre de gens qui décident. Fait qu'il disait, tu sais, il y a la monarchie dans le fond, que ça, c'est une personne qui décide. Puis il y a les bonnes monarchies et les mauvaises monarchies. Mm-hmm. Puis il y a les oligarchies, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, que là, c'est un groupe restreint qui décide. Puis il y a les bonnes oligarchies et les mauvaises oligarchies. Puis il y a les démocraties. Mais lui, démocratie, en fait, c'était le nom de la mauvaise affaire. La bonne affaire, c'était ce qu'il appelait une république. Okay. Une république, l'idée de ça, c'est que ça fonctionne comme nous autres, on appelle ça démocratiquement, c'est-à-dire que le gouvernement appartient à tous et à toutes. Bon, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote, là, mais bon, mettons qu'on modernise un peu. Une bonne démocratie qui était une république, de la façon que lui décrivait, c'est ça. C'est que c'était tout le monde qui prenait les décisions. Pas la meilleure décision pour moi-même, la meilleure décision pour l'ensemble des gens. Ouais. Dans le fond, mettons qu'on avait à voter sur quelque chose, parce que là, eux autres, c'était quand même la démocratie directe. Il y avait pas de, c'était pas une démocratie représentative comme ce qu'on a. Ben, l'idée, c'était de prendre la décision pour ce qui va être le plus payant pour, mettons, la cité. Eux autres, c'était ça. Souvent, c'était les cités-états. Là, comme Athènes, c'était une cité-état. C'était en même temps un gouvernement, un état, comme un petit pays, mais qui était comme une ville, puis les terres alentours, mettons. Puis, donc, c'est ça. Les décisions étaient prises pour le bien de la cité. Fait qu'on votait, moi, dans mon avis, ce qui va faire même si peut-être que parfois, cette décision-là serait peut-être pas très avantageuse pour moi, il va en sortir un plus grand bien pour tout le monde au bout du compte. Fait que moi, je vote pour ça. Puis là, les discussions, c'était savoir, non, cette solution-là me semble meilleure pour l'intérêt général. Et cette solution-là me semble meilleure pour l'intérêt général. Non, c'est, mettons, moi, cette solution-là, je l'aime pas tellement. Pour l'intérêt général, je trouve qu'elle serait mieux. Bon, c'était ça. Une démocratie, ce que lui disait, c'est que c'était la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire qu'il y avait comme une majorité qui prenait une décision qui faisait l'affaire pour elle-même, en dépit des minorités, parce qu'il faut aussi tenir compte des minorités. Mm-hmm. Puis, c'était pas pour le bien commun, c'était pour le bien personnel. On vote en fonction de ce qui fait notre affaire à nous. Puis bon. Le 1%, ce qui est quand même un peu. Ben là, dans le cas d'une démocratie, c'est quand même la majorité. Mm-hmm. Fait que c'était pas le 1%. Ouais. Mais ça reste que c'était lui ce qu'il disait là. Il disait souvent, c'est la majorité peu nantie qui ne prend pas en compte les intérêts des plus nantis. Puis bon, là, ça crée de l'instabilité. Puis fait que bon, là, il disait des plus nantis ou quoi que ce soit, mais c'était quand même, l'idée, c'était un peu ça, c'était que c'était une démocratie, une majorité qui faisait souffrir les minorités. Fait que là, c'est pour ça que démocratie, jusqu'au 19e siècle, à un moment donné que c'est devenu un terme positif, quand on a commencé à instaurer les démocraties occidentales de la façon qu'ils sont présentement, ben on a comme pris ce terme-là, puis ça a été, ça a acquis sa connotation positive que ça a présentement de « c'est une bonne affaire ». Fait, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'utiliser le terme « démocratie », mais c'est juste que des fois, de savoir l'origine un peu de tout, ça met certaines choses en lumière. Mm-hmm. Puis là, c'est quoi le rapport avec Barrette puis avec tout ça? Ah, c'est vrai! Hein? Il est un peu ténu quand même. C'est que, ben en fait, c'est toutes des choses qui font mal à notre démocratie, dans le bon sens du terme, évidemment. Pour la même raison. Puis pourquoi est-ce que des politiciens se permettent encore de faire ça? Ben, si on s'intéressait un peu plus à notre démocratie, puis si on s'en occupait plus, peut-être que ça passerait peut-être un petit peu plus mal des politiciens qui font de la politique de cette manière-là. Puis là, c'est-tu l'œuf ou la poule qui est venue en premier? Parce que, ben... Et le bacon. L'œuf, la poule ou le bacon, parce que c'est sûr qu'avoir, là encore, regarde, pourquoi on entend parler de politique cette semaine, il y a eu un paquet de choses qui se sont faites en politique à l'Assemblée nationale cette semaine qu'on n'en a pas vraiment entendu parler, parce que ça l'a parlé de Barrette qui dit des affaires pas fines à Diane Lamar. Ouais. Puis là, ben, quand c'est juste de ça qu'on rapporte de ce qui se passe, c'est moins intéressant. T'sais. On n'a pas tellement le goût de s'intéresser à ce qui semble être des chicanes de cours d'école entre hommes adultes qui ont une carrière. Ah, c'est partout pareil. Là. Pour vrai, ça me rappelle tellement Donald Trump et l'histoire de pénis. Ça, c'est une poussée à l'extrême. Puis, tu sais, on s'entend, là, la campagne américaine, tu sais, on s'intéresse un peu à ça. Mm-hmm. Puis moi, Mathieu, des fois, ouais. Tania, je sais pas si... Bon, aussi, à la sortie secouette à votre gauche, j'ai dit 13 ans. Aussi, ouais. Ben justement, à notre émission jeudi avec Lucas, le bout de ce qu'on parle de politique américaine, on appelle ça « L'herbe est toujours plus gauche, c'est le voie... » Jaune. Plus gauche. Hey, ça n'a pas d'allure. Tu vois, toi, les l'herbe est toujours... Oui. Ouais, c'est ça. Ben, on les a pris trop longs, c'est ça l'affaire. Puis moi, je m'en fâche tout le temps quand je parle. On a appelé ça « L'herbe est toujours plus jaune chez notre voisin du sud », c'est pas pour rien, tu sais. C'est parce qu'on atteint des nouveaux bas. Ouais, ouais, vraiment. On atteint toujours des nouveaux planchers creuse, à chaque on semaine. Creuse, on creuse, on creuse. C'est effrayant. Puis dans les, puis je pense que c'est dans les années 60-70, l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov, qui est né en Russie, qui a émigré aux États-Unis, je pense que c'est des années 50 qu'il a dit ça, ou 60, il y a une citation célèbre de lui où ce qu'il dit, le mirage, ou un truc comme ça, là, je l'ai dit de mémoire, le mirage de la démocratie, c'est que ça fait croire aux gens que leur ignorance a la même valeur que ma décision éclairée. Ouais. Mm-hmm. C'est-à-dire que lui, ce qu'il disait, c'est qu'il dit, lui étant un peu un intellectuel puis tout, ben lui s'informe beaucoup avant de voter. Puis il dit, ben ça donne l'impression aux gens que son opinion est pas meilleure que quelqu'un qui a voté sur un coup de tête pour un imbécile qui parle de son pénis à la TV. Une impression pis, ou... C'est un peu dans la mentalité des gens. Quand tu connais un peu certaines questions puis que tu en parles en public, tu vas dire « Oui, mais telle décision est clairement inacceptable pour telle raison. » Tu vas être capable de défendre ton point. Tu vas être capable de défendre ton point, mais tu vas te faire répondre constamment par des gens « Ouais, mais moi, c'est pas ça mon opinion. » Oui, mais c'est quoi ton opinion? Mais c'est quoi ton opinion? Là, il va te dire son opinion, c'est-à-dire « OK, il est basé sur quoi? » Ben, moi, c'est mon opinion. Ouais. Ça, c'est un mot dit problème. Parce que ça arrive souvent, ça? Ça arrive très souvent parce que, m'a un peu parlé de ma profession, mais la pensée critique, c'est très peu enseigné présentement en Occident. Là, c'est comme un gros manque. on trouve que les gens ne savent pas assez bien écrire à cette heure de nos jours, mais il y a ça aussi. Là, les gens ne savent pas critiquer comme du monde. Non, c'est vrai. Puis, on a parlé parfois en général. Là, ouais. Peut-être moi un peu aussi, mais tu sais, comment est-ce qu'au Québec, on est porté à chialer? Mm-hmm. C'est pas ça de la critique. Commence pas à parler contre le Québec. Non, c'est pas vraiment de la critique. Je commencerai pas à faire ça, mais c'est qu'il y a quand même une différence entre chialer puis critiquer, tu sais. Ouais. Puis c'est que quand tu critiques, l'idée, c'est que faire une critique, premièrement, tu as le droit de dire des choses positives. Ouais. Là, on a tendance à mettre ça bien négatif. Mais de dire, par exemple, que le comportement des politiciens présentement... rejaillit très mal sur notre collectivité, mettons, dire ça comme ça. Ça, c'est une critique. Ouais. Dire les politiciens, c'est de la merde, ça c'est chialer. Wow. J'inviterais un peu tout le monde à réfléchir là-dessus. Ben, c'est donc bien beau, un devoir à la fin de la chronique. Un devoir à la fin de la chronique. Tu sais, le gars qui s'en va vraiment trop enseignant. Mais c'est parfait, c'est ça pareil. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que je m'en vais enseignant, puis c'est pas pour rien que je m'en vais enseigner à philo au cégep. C'est ça ma matière un peu que je vais enseigner. Puis, en gros, c'est ça. C'est la prochaine fois que vous lisez une nouvelle, là, pensez, faites une... Pas chialer, critiquez. Mais faites une réflexion, s'informe. C'est ça. Donnez-vous le temps de vous dire que ça peut être critique, justement. C'est pas juste de la merde. Faites pas juste gober l'opinion des autres, peut-être. C'est ça, parce que... Mais il y a des gens qui se basent beaucoup, beaucoup sur simplement l'opinion des autres. Ouais, exactement. Puis ils sont pas capables de se forger leur propre opinion et leur propre réflexion par rapport à quelque chose. Il y en a qui sont naïfs et qui croient n'importe quoi qui est sur Internet. Attention à ça aussi. Ça, c'est l'autre affaire. Ouais. C'est qu'il y a une chose aussi, quand tu veux être informé sur un sujet, tu lis pas rien qu'une source. C'est ça. Mm-hmm. Surtout si ta source est dans le groupe québécois, je dis ça ouais. même. Oh. Et surtout si la source est marquée genre via une autre source. Tu sais, des fois, ça va comme suivre la source d'un article qui va aller vers une autre source, qui va aller vers une autre source. Dans le fond, tout le monde dit la même affaire en rapportant les propos de la première source à la base. Puis en les rapportant pas toujours de la bonne façon non plus, tu sais, parce que là, il y a de la contextualisation aussi. Puis bon, c'est très facile de mal citer quelqu'un, là. Puis là encore, c'est des choses, c'est c'est des connaissances, mettons, qui se perdent avec le temps, qu'on est de moins en moins. Tu sais, c'est une bonne chose, la démocratisation des médias, tu sais, avec l'Internet, puis tout, il y a de plus en plus de gens qui ont accès à une plateforme pour s'exprimer, puis tout. En soi, je pense que c'est une bonne chose. Le problème, c'est que les gens sont moins formés à ça. Mettons, si on remonte d'une vingtaine d'années dans le temps, où les gens qui publiaient, là, qui avaient la possibilité de publier des choses. C'était seulement les journalistes de carrière qui avaient une certaine formation, que ça passait dans les mains d'un éditeur, que ainsi de suite, que tu pouvais pas dire n'importe quoi là-dedans. Ben, il y avait quand même peut-être une certaine forme de rigueur qui, oui, peut probablement était teintée d'idéologie, parce qu'essayer de trouver quelque chose qui, à un moment donné, n'est pas un petit peu teinté d'idéologie, on est tous des êtres humains, Colin. Ce serait encore une fois naïf de penser qu'il n'y a aucune opinion dans le monde. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut varier les sources. Même à l'époque, il fallait varier les sources, parce que, mettons, par exemple, dans le temps au Québec, ben, on a tout le temps eu la presse, le devoir. Mm-hmm. La presse a toujours été un peu fédéraliste, le devoir a tout le temps été un peu souverainiste. T'sais, c'est sûr qu'il y a un billet. Fait que c'est pour ça, aller lire les deux. À cette heure, on a une multitude de sources. Ça veut dire qu'il faut aussi se fier sur pas mal plus qu'une source. Pas mal plus que deux aussi, d'ailleurs. Ouais. Mm-hmm. Pis c'est vraiment ça l'affaire, c'est qu'il y a des, là, il y a un paquet de blogs. D'ailleurs, le Huffington Post, c'est en soi ça. Jusqu'à un certain point, c'est presque juste des gens qui sont pas qualifiés pour être journalistes, ouais, par exemple. En les lisant, puis, ça, tu t'en rends compte. Puis, tu sais, c'est pas égal. Il y a des articles qui sont très bien faits, qui sont excellents. Il y a des nouvelles qui vont sortir en premier parce que, justement, eux autres, Service Indicène, c'est tout publié, c'est tout sur Internet. Le Ricochet, c'est un peu la même chose, mais eux autres ont comme une autre mentalité par rapport à ça. Mais Ricochet, c'est très bon aussi, d'ailleurs. C'est sûr qu'il y a un gros penchant à gauche aussi, mais tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'on entend le plus comme côté non plus présentement des grands médias. Fait que c'est quand même bon pour contrebalancer d'autres choses. Mais c'est ça, le Huffington Post, ce qui arrive, c'est que c'est souvent des gens qui sont pas très qualifiés. Puis, ben, du côté de la rigueur, la partie plate de la job un peu, ben souvent les coins sont tournés ronds pas mal. La correction aussi, la tournure de phrase. C'est ça. Tu vois que c'est pas nécessairement. Puis c'est pas. Tu sais, je pense que c'est correct. C'est juste que le problème avec ce genre de médias-là, c'est que présentement, il n'y a pas personne pour leur dire aux gens qui écrivent là-dessus, peut-être que ce tournure de phrase-là. Ouais. Ça serait mieux que tu fasses plus ça parce que c'est pas clair. Parce qu'en tant que tel, tu le dis, c'est correct, puis ça peut exister, puis j'ai aucun problème avec le fait que ça existe. C'est comme le sac de chips du Journal de Montréal, j'ai aucun problème à ce que ça existe. Il ne faut pas mettre ça sur le même pied d'égalité qu'une source plus crédible. Non, c'est exactement. Ça, à la limite, puis tu sais, regarde, j'ai cassé bien du sucre sur le dos de Québécois tantôt. Journal de Montréal, ils ont pas yank, tu sais, contrairement à ce qu'on dit souvent, ils ont pas yank la chenoute dedans. Non, mm-hmm. Non, je veux dire, il y a quand même du journalisme, c'est sûr que bon. Ils mettent peut-être l'emphase sur ce qui fait vendre, comme disait, c'est Infoman qui disait ça, là, de l'écrapou, là. Oui, c'est mm-hmm. ça. Tu sais, il y a ça, là. Mais au moins, de l'autre côté, ils font des bonnes choses. Il y a des articles qui sont très bien faits aussi. Cinq minutes, là, les trucs bien expliqués pour le grand public, là, sur peu importe le sujet, mais en cinq minutes avec une image, puis tout bien expliqué, c'est peut-être pas la meilleure affaire, mais au moins, ça fait que les gens lisent ça. C'est ça. Un petit ça peu fait au courant. C'est mieux que pas être au courant du tout, t'sais. Exactement. Puis, si, ça reste que malgré le fait que le Journal de Montréal se sont auto-kickés out du Conseil de presse du Québec puis de ces choses-là, il y a quand même une vérification qui est faite. Le problème, ou ce que le bas blesse au Journal de Montréal, puis là, on est un peu sur le cas eux autres, mais eux autres, c'est les chroniqueurs le problème. Mm-hmm. Là encore, qui peuvent littéralement dire n'importe quoi. Je veux dire, ça a été à de multiples reprises. Démontrer qu'ils disent littéralement n'importe quoi qui fait leur affaire. Mmh. Présentement, je ne veux pas nommer de nom, mais on se doute, on a tout un peu des idées qui nous viennent en tête. On est rendu loin de mon sujet du début. Hein, un peu. Je parlais de Barrette qui criait des noms. Pis, c'est ce qu'on aime. Mais ça vient tout avec, parce que ça reste que c'est ça. C'est que si on veut s'intéresser à notre démocratie, il faut que ça passe par quelque chose, puis c'est par les médias. Puis présentement, les médias ne nous aident pas nécessairement tous là-dedans. C'est ça. Tantôt, j'ai entendu un chroniqueur politique là, parler de. Truc, là, il parlait de oligarchie, là, c'est comme, tu sais, ça c'est genre le peuple qui décide, t'avais la monarchie, c'est la reine, il parlait du double archi, ça c'est, t'as plus de joguette. Ok. Quand tu. Le double archi, c'est. Bande dessinée. Ouais. Ben, ouais, ouais. Ben, bien c'est n'importe quoi. Bien essayé, Mathieu. Merci. Merci, Sébastien. C'est moi qui vous remercie d'avoir enduré ça. On te retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis à 8h. Ouais. Pour notre collègue du bulletin Gertin, ça et mes impertinences quand je suis capable de les insérer au bon endroit. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons. Un certain midi cette semaine. Je vous présente un paradis sur Terre. C'est à voir en photo. Je le sais, vous êtes à, dans votre voiture, vous êtes à la maison, vous êtes sur votre téléphone, peu importe, ça se peut que vous n'ayez pas la chance d'aller voir ces photos. Mais je vous décris quand même cette île qui est un véritable paradis sur Terre, c'est Nusa Lambogan. Donc, vous avez besoin de vacances. Quand on regarde dehors en ce moment, hein, tout le monde a besoin de vacances. Quand on regarde l'actualité politique, quand on voit comment on se fait fourrer de toutes les barres sans pouvoir jamais rien dire, puis même si on le dit, ça ne change rien, ben c'est ça. Hein, y a même du monde qui ne croit pas que ça va mal. oui, je sais, ça pourrait toujours aller plus mal. On le sait, c'est ce qui est le pire. C'est peut-être pour ça qu'on chiale, puis parce qu'on ne veut pas perdre d'où on en est rendu. Mais bon, besoin de vacances, vous rêvez probablement de vous retrouver les pieds dans le sable à Hawaï, à Bali ou à Tahiti. Mais nous avons une autre suggestion pour vous, c'est Nusa Lambogan. Eh bien oui, cet endroit est une petite île de 7,8 km² située au sud-est de Bali et qui est un véritable paradis pour les plongeurs et un rêve devenu réalité pour les surfeurs. Comptant environ 5000 habitants, Nusa Lambogan est la destination rêvée pour tous les voyageurs en quête d'un peu de repos et de tranquillité. Côté hébergement, des chambres d'hôtel magnifiques et de superbes villas peuvent être louées un peu partout sur l'île. Après vous être reposé pendant quelques jours sur l'une des plages magnifiques ou le bord d'une piscine, vous aurez certainement le goût de partir à l'aventure. Direction Nusa Penida, où vous aurez à nouveau le souffle coupé par la splendeur des falaises et les formations rocheuses situées en bord de mer. Le voyage vers Bali est définitivement la partie la plus difficile du périple, mais une fois sur la place, eh bien, un tour de bateau de 30 minutes à partir de Sanur et tout ce qui vous sépare de Nusa Lambogan. Alors, si ça vous intéresse, allez voir les images de cet superbe endroit, ce petit paradis piégé près de Bali. Nusa Lambogan. Ben oui, après la fameuse robe hein, qui a fait débattre la toile, ben allez voir, vous allez voir passer cette photo-là, ça c'est sûr. C'est combien de filles se retrouvent sur cette photo? Hein? Donc, c'est ça, oubliez la fameuse robe, c'est le nouveau débat qui déchire présentement la toile. Cette photo, c'est une photo qui a été publiée sur Instagram par l'utilisateur Tizia qui montre des jeunes femmes assises sur un banc près d'un miroir. Moi, je dirais que c'est des petites filles, là, c'est pas des jeunes femmes. Par contre, les internautes ne peuvent pas s'entendre si la photo montre 2, 3 ou 4 filles. Et vous, chers lecteurs, qu'en pensez-vous? Ben moi, je vous le dis tout de suite, la réponse, c'est 2. Eh ben oui. Là, il y a des gens qui disent 3, il y en a qui disent 4, etc., il y en a 2, le reste ce sont des reflets du miroir, les mains nous le disent, ça se répète à l'infini. Ben oui, c'est comme ça, faites-vous votre idée et puis donnez votre commentaire, critique ou insulte, facile via la page Facebook du Dîner de con. Gros article ici qui m'a fait bien rire, qui vient juste de popper. Arrestation de Normando, le parti politique que je dirige a une pratique exemplaire. C'est Couillard qui nous dit ça. Hein? La classe politique québécoise est sous le choc après l'arrestation tôt ce matin des ministres Nathalie Normando et Marc-Yvan Côté, en même temps que 5 autres personnes de Montréal, Québec et en Gaspésie. Saluant le travail indépendant de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, le premier ministre Philippe Couillard a plaidé que les mœurs politiques avaient changé depuis l'adoption d'une nouvelle loi sur le financement des partis politiques. C'est un comédien. C'est rendu un humoriste, notre ami Couillard. Sur la question du financement politique, heureusement, on vit dans un contexte totalement différent avec le nouveau mode de financement qui change pour le mieux la réalité politique du Québec. M. Couillard estime que son gouvernement n'est pas éclaboussé par ses arrestations visant 2 ex-ministres libéraux et des membres de leur cabinet. Le parti politique que je dirige a une pratique exemplaire. Nous faisons du financement populaire. Le geste fondamental qui a été posé afin de réduire la limite de financement politique à 100 $ par personne, ajoute M. Couillard. Hein? De toute façon, dans la tête de M. Couillard, il fait toujours beau, il fait toujours rose, il fait toujours... il pleut de l'argent et il pleut du bonheur. Pour sa part, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a rappelé que l'unité permanente anticorruption avait été créée en 2011 pour faire enquête sur les liens pouvant exister entre les partis politiques, le gouvernement, l'attribution de contrats dans le domaine de la construction et les risques de collusion qui peuvent en découler. L'UPAC fait son travail en toute indépendance. Tant mieux. Les autres députés et ministres libéraux s'en tiennent au pas de commentaire et joyeux Sainte-Patrick. Les 7 arrestations survenues aujourd'hui découlent des enquêtes Joug et Lière. Touchant le financement des partis politiques, 4 personnes sont liées au Parti libéral. Nathalie Normando, hein, la grande vedette du FM 93 avec le charmant Éric Duhaime. Marc-Yvan Côté. Mais là, Duhaime, il n'y a pas rapport dans cette arrestation-là. Mais il n'arrête pas de dénoncer tout, puis il animait une émission avec une fille qui vient d'être arrêtée. pour ce qu'il déclare puis pour ce qu'il dénonce. En tout cas, je pense qu'on n'a pas besoin de plus de commentaires que ça. Marc-Yvan Côté, France Michaud et Bruno Lortie. Deux sont liés au Parti québécois, Ernest Murray et Françoise Roussy, et une autre, Mario Mertel, qui était chef de la direction chez Roche. Là, on nous dit prudence. Pour leur part, les élus péquistes et la CAQ ont réagi avec prudence, invoquant la présomption d'innocence des personnes prévenues. Ça, c'est sûr. On n'a pas accusé encore, c'est une arrestation. Le souci du Parti québécois est d'obtenir la vérité face aux opérations Lierre et Joug. On va attendre la conférence de presse de l'UPAC plus tard ce matin. Le cours de la justice va se poursuivre, a déclaré le député Pascal Bérubé. La députée Véronique Yvon, elle, s'est pour sa part réjouie des arrestations de l'UPAC. Ça rassure, il y a au moins des suites à la commission Charbonneau, hein, qui avait été comme éclipsée, hein? Donc qui a été excessivement décevante dans ses conclusions à cause de la dissidence du commissaire Nébrun Renaud Lachance. Ce qui me satisfait, c'est que personne n'est au-dessus des lois, y compris l'ex-premier ministre du Québec, l'ex-première ministre, oui, du Québec. J'espère que la population est rassurée et a confiance en ses institutions. Ce qui est inquiétant avec ces scandales, c'est qu'on a connu au cours des dernières années, c'est l'effritement du lien de confiance envers les politiciens. Je sais pas. C'est très préoccupant, ces arrestations ce matin faites par l'UPAC auprès de la grande famille libérale. L'UPAC fait son travail. J'ai hâte de voir cette conférence de presse et on aura plus de détails si des accusations seront portées et quels seront les chefs d'accusation. Personne n'est au-dessus des lois, a déclaré la députée caquiste Nathalie Roy. Ça continue. Beaucoup de nouvelles rapport à l'UPAC. On va parler ici de l'armée canadienne qui n'est pas la bienvenue au cégep de Saint-Jérôme, mais c'est tant mieux, hein? On va les recruter. Mécontent de la présence de militaires au cégep de Saint-Jérôme, un individu n'a pas hésité à poser un geste d'éclat lors du salon Laurentide en emploi. Alors, veuillez noter que l'association étudiante du cégep de Saint-Jérôme a un mandat très explicite pris en Assemblée générale contre la présence de kiosques militaires dans le cégep. C'est ce qu'on a lancé d'abord aux visiteurs du salon, hein, ce militant. Il renverse ensuite brusquement la table sous l'œil averti de deux militaires qui, eux, restent immobiles devant leur kiosque. Eux autres, ils ont fait comme des lasagnes d'eux-mêmes, là, on se rappelle. Pour ceux qui ne savent pas, ben vous étiez trop jeunes, mais quand même. L'association étudiante s'oppose à toute forme de publicité militaire au cégep de Saint-Jérôme, incluant la présence de kiosques de recrutement de l'armée et du Collège militaire royal. C'est ce qu'on peut lire sur la page Facebook de l'organisation. Mise en ligne mardi sur la page Facebook de l'Association générale des étudiants du cégep de Saint-Jérôme, la vidéo de l'incident a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Ben moi, je trouve que c'est un geste parfait et c'est bien, des fois, de brusquer les choses. C'est bien d'être engagé, c'est bien d'avoir des valeurs qu'on défend. Hein? Moi, je pense que désormais, en 2016, justement, on ne défend pas assez des valeurs et on ne défend pas assez les valeurs en quelles on croit. Gros sondage, c'est la vie tient à ce sondage. Utilisez-vous votre téléphone intelligent quand vous êtes assis sur la toilette? Je vous dirais, bien sûr que oui, hein? Game of Thrones, qu'on appelle. Un débat fait rage depuis la venue des iPhones. Est-ce socialement acceptable d'utiliser son téléphone sur le trône? Certains sont d'avis que c'est parfaitement acceptable de se divertir quand on répond à l'appel de la nature. D'autres diront que la toilette est un endroit sacré et qu'il ne faut pas le souiller avec de la vulgaire technologie. Un livre, c'est-tu correct, ça? Et vous, chers lecteurs, utilisez-vous votre téléphone intelligent quand vous êtes sur la toile, sur la toilette, oui. Ou je vous dirais vous, chers auditeurs. Et là, utilisez-vous votre téléphone intelligent. Oui, tous les jours, parfois, mais je n'aime pas ça. Jamais, c'est dégueulasse. Moi, je vous dirais, pour être honnête, c'est déjà arrivé, mais j'aime beaucoup mieux un bon vieux livre, hein, sur la toilette. On y va avec la réponse. Oui, tous les jours, à 77%, bande de cochons. Oui, c'est ça, quand même, je vous l'ai dit. Parfois, mais j'aime pas ça à 11% et jamais c'est dégueulasse à 11%. Donc, en très grande majorité, sur 577 répondants, eh bien, on joue avec notre cul, notre merde, et après, on se met ça sur l'oreille, dans la face, collé sur le visage, et on prête notre téléphone aux autres aussi, hein? Et après, les gens vont dire, « J'espère que tu t'es lavé les mains après avoir été aux toilettes. » Oui, mais j'osais avec mon téléphone puis jouais à un jeu avec mes doigts pleins de bactéries et de coliformes fécaux. En tout cas, ici, ça parle beaucoup, je trouve, ce petit sondage. Un masturbateur ninja recherché par la police de Seattle. À Seattle, les policiers tentent d'identifier et de retrouver un individu déguisé en ninja s'étant masturbé dans des lieux publics au cours des dernières semaines. Selon le magazine américain Esquire, le suspect aurait été aperçu en train de se masturber dans le quartier de University District à Seattle, et ce, à quelques reprises. Les images captées par des caméras de surveillance montrent qu'il arborait une tenue de ninja noir au moment où il s'adonnait à ses plaisirs solitaires. Moi, on dirait, je trouve qu'il a l'air d'être déguisé en momie avec du papier de toilette. Pratique quand tu te masturbes quand même. Un premier appel avait été fait le 10 janvier dernier quand une femme racontait l'avoir vu se masturber devant la porte de sa résidence au coin de la 52e rue Nord-Est et de la 12e avenue Nord-Est à Seattle. Les officiers ayant reçu l'appel n'étaient pas alors en mesure d'identifier le suspect. Une caméra de vidéosurveillance fut donc installée près de la maison de la plaignante et le masturbateur a récidivé le 7 février suivant. Son costume de ninja noir le couvrait de la tête aux pieds. Les images captées par les caméras de vidéosurveillance de nuit donne toutefois l'impression trompeuse que son costume est blanc. Ben c'est sûr, hein, c'est de la vision nocturne. D'autres habitants des environs des étudiants de l'Université de Washington ont affirmé avoir entendu des bruits suspects à l'extérieur de leur résidence à plusieurs reprises. Les détectives enquêtant sur la présence du suspect dans les environs croient en effet que l'individu a pu rôder dans les environs au moins 4 fois depuis novembre dernier. Et là, on va reprendre un classique de série noire. Non, non, vas-y, masturbe-toi. Non, vas-y, masturbe-toi, ça va te faire du bien. Pour les geeks de cette série, vous comprenez de quelle scène je parle. Que devriez-vous faire à la Saint-Patrick et tout ça selon votre personnalité? OK. On va aller voir ça. Ça a l'air vraiment, vraiment, mais plus que léger, cette nouvelle. On va la faire pareil. La Sainte-Patrick est non seulement une occasion de célébrer la culture irlandaise, mais aussi c'est une bonne raison de boire de la bière. Si vous n'avez pas encore de plan de prévu pour ce 17 mars, eh bien, voici un test qui vous révélera ce que vous devriez faire pour célébrer la fête de l'Irlande. Donc, on y va. Je vais répondre avec vous. Je le fais. Je me lance comme ça sur la place publique. Quel est votre type de repas? Quel est votre repas typique de semaine? La dernière recette du blog 3 fois par jour, des sushis, une pizza congelée. Vous mangez au resto après votre 5 à 7. Aucune de ces réponses, il l'a tué. Ben, je vais y aller avec la dernière recette du blog 3 fois par jour parce que c'est pas des sushis que je mange comme typiquement. On mange au resto, non. Ben, des fois, c'est l'heure du midi, mais pas plus. Pizza congelée, oublie ça, c'est pas moi. Votre couleur préférée? Vert, brun, beige ou or. Moi, je vous dirais, j'hésite entre le vert et le brun, mais on va y aller avec le vert en tant qu'on est au printemps. Comment vous décrivez vos amis? Cheap, hangover, choqueux, absent, cheap. Bah, je suis plus choqueux que hangover. Ben, un peu, des fois, absent, non. Cheap, non plus. Tiens, on va y aller avec... Ah, c'est choqueux. Je pensais que c'était choqueux. Ben, guess, trop tard, j'ai répondu. C'est pas grave, hein? Que portez-vous à la Saint-Patrick? Eh bien, des pantalons verts, des bas verts, des sous-vêtements verts, un T-shirt vert. J'ai une chemise verte en ce moment, mais c'est vert kaki, ça ressemble pas du tout. Mais tiens, on va y aller avec un T-shirt vert, c'est ce qui ressemble le plus à une chemise, dans ce qu'on nous offre comme choix. Quelle est votre bière favorite entre ces choix? Vous ne buvez pas de bière, une Corona, une Smithwick ou une Pabst? Ben, ni une ni l'autre. Je bois de la bière, mais une Smithwick, je trouve pas ça bon. Une Corona, non. Ben, une Corona l'été, je trouve ça bon. Une Pabst, c'est bon. Ben, tiens, on va y aller avec la Corona l'été, parce que j'aime pas ce genre de bière-là. Smithwick, ça me tente pas non plus. Votre animal totem? Eh bien, le mouton, le renard, l'aigle à tête rousse ou le poney? OK. Ben, je sais pas. T'es le renard, on va y aller. Quelqu'un renverse un verre sur votre chemise favorite, comment réagissez-vous? Vous droppez vos gants et vous n'avez pas peur d'aller vous battre. Vous faites le feeler cheap et vous l'obligez à vous payer un verre et un nacho. Vous le prenez dans vos bras et vous le traînez sur la piste de danse. Vous retournez chez vous et vous promettez de ne plus jamais sortir dans un bar. OK. Je sais pas. Tiens, on lui demande de nous payer un nacho. Hein? Donc, on nous dit... écoutez PS I Love You pour vous, le meilleur moyen de célébrer la Sainte-Patrick est certainement de rester dans le confort de votre salon. Vous avez horreur des foules et surtout des gens qui boivent trop. Il est donc préférable pour vous de cuisiner des petits plats, flatter votre chat et de pleurer à chaudes larmes en écoutant PS I Love You. Ben tant mieux, je suis bien content du résultat. Je vais aller écouter PS I Love You. Sérieux, j'ai adoré ce petit jeu complètement dénudé de sens parce que les choix de réponse sont pas assez larges. Eux autres, ils voulaient absolument là, qu'on on jette les gants, qu'on veuille boire une Smithwick. Tu sais, on voyait trop où le sondage ou le test voulait nous amener. Puis moi, ça me tentait pas d'y répondre. Bien, ça me tentait d'y répondre, mais vraiment, plutôt que en écrivant des choses que je ne pense pas, mais pas pantoute. Sur ce, eh bien, on va aller en musique. On s'en va écouter la pièce de la formation Fontarabie, hein, projet du monsieur, de Monsieur Minot, de Malajub. Eh bien, on va aller écouter la pièce Eclipse, tirée du EP du même nom. Donc, profitez-en, restez là. Le show se poursuit jusqu'à 13h. Thank you. tiré du projet Fontarabie, le EP Eclipse, qui nous présentait la pièce Eclipse. Merci beaucoup à vous, Monsieur Minot. Vous êtes toujours dans le dîner de cons, hein? Ben oui, c'est clair. Et puis, on continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Une dame ici, vraiment en manque de sexe, poste sur Internet une vidéo d'elle pour trouver des hommes. Mais disons qu'elle est assez directe dans ses demandes. Donc, je vous le dis tantôt, si je fais jouer un petit bout, là. Attention, la vidéo qui va suivre comporte un langage assez cru et des images réservées à un public adulte. Donc, Caroline est en manque de sexe et elle tient bien à le faire savoir. Dans une vidéo postée sur Internet, cette jeune femme de 22 ans, vendeuse dans un magasin de chaussures, explique que chercher des hommes pour avoir de nouvelles expériences sexuelles. Je suis en manque, j'ai pas de copain depuis un an et ça commence à faire long. En nuisette devant sa webcam, elle poursuit sa présentation de ses préférences. Caroline aime se faire peloter les seins et adore la levrette. Elle précise également qu'elle aime bien les noirs et les arabes. Elle dit « Comme je suis blanche, je trouve que ça fait joli, blanc avec un noir. Ça fait contraste, c'est sympa. » Vous irez écouter la vidéo. J'avais quasiment le goût de vous en faire jouer un petit bout, mais yeah, ça reprend exactement ce que je vous ai dit, mais de façon plus... explicite, comme on pourrait dire, juste vous donner le ton de la fille. On l'écoutera pas là, au complet, mais... Je m'appelle Caroline, j'ai 22 ans et je suis vendeuse dans un magasin de chaussures. C'est quoi ce son? Donc là, je cherche des hommes pour avoir un peu plus d'expérience sexuelle parce que je suis en manque, j'ai pas de copain depuis un an maintenant. Et en tout cas, allez voir ça si ça vous intéresse, messieurs. En plus, c'est une charmante femme, là. C'est pas un laideron, là, pas du tout. Une ado complètement hystérique dans l'émission SOS, ma famille a besoin d'aide. Encore un cas difficile pour Pascal, le grand frère, sur Énergie 12, qui est une chaîne de télé française. Afin de se démarquer, donc, de ses quatre frères et sœurs en réaction à la douloureuse séparation de ses parents, Maëva, 16 ans, a adopté un comportement ravageur. Violente, vulgaire et ingérable, l'adolescente s'en prend régulièrement à sa mère, Fanny, ainsi qu'à son beau-père Cédric, qu'elle accuse de prendre la place de son père. Dans la vidéo que vous pouvez aller voir via la page Facebook du Dîner de con, vous allez pouvoir découvrir une compilation dans laquelle la jeune fille fait vivre un véritable enfer à sa famille. On écoute voir qu'est-ce qu'a dit Maëva. Est-ce que tu veux nous jaser, Maëva? Vas-y. De Cédric, son beau-père, suffit à la... On veut avancer, on veut l'entendre chialer. Tu dis s'il te plaît déjà. Dégage. Ben non. Casse-toi. Non. Casse-toi. Tu dis s'il te plaît. Casse-toi. Je te le dis en quelle langue? Casse-toi. Bon, en français, s'il te plaît. Casse-toi. Voilà, je suis planté. La fille m'a mis. Casse-toi. Ah, la misère du monde à la télé, hein? Tu connais pas les ça. Tu fumes rien. Tu fumes rien. Et toi, tu me touches pas. Toi, tu me touches pas, je te dis. Tu me touches pas. Comment ta mère? Et que c'est télé-sensation. Alors, allez-y, allez voir ça. Donc, une série qui s'appelle, comme on a dit tantôt, SOS, ma famille a besoin d'aide. Toujours en vidéo, chose à aller voir. Un commentateur vomit en plein direct lors d'un match de foot. Est-ce le trac, une mauvaise digestion ou il était simplement malade? Un journaliste sportif italien a été pris de vomissement dimanche soir alors qu'il commentait le match de la Serie A entre Lazio-Rome et l'Atlanta de Bergame. La rencontre venait à peine de commencer lorsque Raphaël Papada a commencé à se sentir mal avant de se mettre à régurgiter sans avoir eu le temps de couper son micro. Les téléspectateurs ont eu ainsi la mauvaise surprise d'entendre le commentateur vomir pendant plusieurs secondes. Mais le journaliste est resté professionnel jusqu'au bout puisqu'il a ensuite repris presque l'air de rien dans ses commentaires. Le match s'est achevé sur la victoire des Romains grâce à un doublé de l'attaquant allemand Miroslav Klose. Est-ce qu'on peut écouter un petit coin, un petit bout? Donc, on voit justement le match. Il n'y a pas de commentaire, il y a juste le gars qui vomit en arrière. C'en est presque irréel. Il y a la Chine qui aura bientôt un télescope 300 fois plus puissant que Hubble. 300 fois plus puissant, hein, quand même. Pour aller voir assez loin, rien n'arrête donc la Chine dans sa lutte face aux grandes puissances spatiales que sont les États-Unis, la Russie ou l'Europe. Sa future station spatiale habitée, qui doit entrer en service en 2023, disposera d'un télescope spatial 300 fois plus puissant que Hubble. Mais ça, je trouve que c'est intelligent de mettre le télescope à même la nouvelle station spatiale. Tant qu'à faire faire évoluer quelque chose dans l'espace, tout aussi bien de le munir d'un œil géant comme ça, bien efficace. L'annonce a été faite par Zhang Yulin, le chef de ce programme sur lequel la Chine fonde d'énormes espoirs, d'autant pour la science que pour son prestige, bien sûr. Devant la presse, il a expliqué que la station spatiale sera équipée d'un module optique comparable à Hubble, ce célèbre engin lancé par la NASA en 1990 et dont les observations surclassent bon nombre de télescopes au sol. Le Hubble chinois promet des résultats encore plus vertigineux puisqu'il devrait disposer d'un champ de vision 300 fois supérieur à celui de Hubble, selon les promoteurs. Quand bien même son miroir de 2 mètres de diamètre aura une taille similaire à celle du télescope américain, mais il disposera d'un avantage de taille par rapport à l'engin de la NASA. En effet, il se trouvera à quelques mètres en orbite autour de la station spatiale afin de faciliter sa maintenance par les astronautes chinois eux-mêmes, ce qui évitera donc à la Chine d'envoyer de coûteuses missions d'entretien comme la NASA a pu le faire depuis 25 ans. Au bout de 10 années en orbite, le module devrait capturer environ 40 % de l'espace avec une précision aussi bonne que Hubble, de quoi permettre à la Chine de rattraper son retard dans le domaine de la connaissance spatiale. La station spatiale chinoise qui l'abritera, comprendra un module de base, deux laboratoires, un pont d'arrimage pour des satellites, et un autre pour les navettes spatiales. Elle devrait être mise en service entre 2023 et 2024. Ça s'en vient très, très rapidement, là, c'est dans moins de 10 ans. Sa construction repose sur le succès de nouvelles fusées chinoises qui seront capables d'embarquer 25 tonnes de matériel en orbite à partir de 2018. Mais les travaux préparatoires sont déjà bien avancés puisqu'une petite station, Tiangong 1, est déjà en orbite et que les missions habitées baptisées Shenzhou se succèdent avec succès. La Chine, qui sélectionne actuellement des astronautes pour Tiangong 2, envisage de faire pousser du riz ainsi que du cresson dans l'espace, mais aussi à se livrer à de nombreuses expériences, notamment sur les matériaux. Une histoire à suivre. Quand même intéressant de voir la Chine comme ça, qui s'engage dans une course spatiale hallucinante. Une maison à vendre pour 1 $ à Toronto. Eh bien oui, vous allez avoir du mal à y croire, hein, surtout qu'à Toronto, le marché immobilier a explosé. Mais cette maison, qui pourtant a du cachet, est loin d'être la moins chère du marché. Elle est en vente pour 1 $. OK. Non, et de loin la moins chère du marché. C'est ça, là, j'étais là. La phrase, elle fit pas, là. Donc, classée au... OK. Classée au patrimoine... au patrimoine de Toronto. Cette maison qui date de 130 ans, eh bien, n'est pas en très bon état. Sur les photos, vous pourrez voir, ses murs sont défraîchis. Ouais, mais pis... La propriété est gigantesque, 25 000 mètres carrés, et se situe dans une ville où les prix sont très élevés et ne cessent encore de monter. L'agent immobilier Matthew Pringle a assuré que les propriétaires n'en avaient proposé qu'un $ pour mieux cerner le potentiel de la maison. L'Armée du Salut avait repris la propriété en 1930 pour en faire une maison pour mères célibataires. En 2010, la maison a été inscrite au patrimoine. OK. Et puis, sinon, on veut plus de détails, tout ça, là. Me semble, elle va rester en vente 2 minutes, là, à Toronto. Parce que peu importe, même s'il y a beaucoup de rénovations à y faire, il y a un terrain en arrière de ça, il y a un terrain avec ça. Juste l'emplacement vaut beaucoup plus que ça, même s'il y a beaucoup d'argent à y mettre. C'est difficile à comprendre, mais en tout cas, une histoire à suivre. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. On accueille Jimmy Thibodeau. Salut Jimmy. Bien le bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Cool, très content de t'avoir pour la chronique C'est dans le monde que ça se passe. On parle d'actualité qui passe sous le radar. Tout à fait. On sait jamais à quoi s'attendre avec toi. Des fois, c'est des sujets un petit peu plus alternatifs. Ouais, mais cette fois-ci, en fait, c'est un peu mainstream. Ah, je vais vous parler du féminisme, en fait. Ah ben, oh, ben oui. Ça tombe drôle qu'on vient tout juste de passer la publicité de Corias sur le viol et les trucs féministes. Ça tombe drôle parce que ça vient juste d'arriver il y a 35 secondes. Mm-hmm. Effectivement. Quel hasard. Voilà. Mais en fait, j'ai attendu une semaine peut-être pour en parler. J'avais déjà ce sujet-là en tête depuis un moment, mais avec le coup d'éclat du Parti libéral là, sur le féminisme et tout, je me suis dit, c'est trop mainstream pour moi, je vais attendre un peu. Ouais, c'est ça, quand c'est rendu que même Radio X parle de, la femme de Justin Trudeau et la femme de Barack Obama, puis que tout le monde capote avec ça. Voilà. Ouais. Bref, aussi, bon... Je vais parler de féminisme en général. Je vais faire un petit peu une synthèse des combats encore à mener pour eux. Mais nombreux combats. Pour elles. Mais par contre, je parlerai pas de tout. Là. Je parlerai pas, par exemple, des violences physiques faites aux femmes, des agressions sexuelles, de l'hypersexualisation, des choses comme ça. Ça, je peux pas entrer dans tout le sujet. À la place, j'ai décidé de vous faire, de vous parler du féminisme avec une petite histoire. Ah, d'accord. Tu peux pas entrer dans tout le sujet parce que c'est pas consentant. Mais donc, t'allais dire une petite anecdote? Ben, j'ai une petite histoire fixée que je vais vous faire. Un conte? Imaginons l'histoire d'une jeune fille, appelons-la Jeanne. OK? Jeanne. Oui. La jeune Jeanne. Jeanne, elle, c'est une femme de son temps, en fait. Elle veut un travail vraiment... Elle veut un travail dans le monde, elle veut quelque chose qui la... Qui la motive, quelque chose comme ça, tu sais, quelque chose qui la passionne. Elle veut pas rester à la maison puis faire les tâches ménagères, une femme fumée, ça, c'est pas ce qu'elle veut faire. Puis d'ailleurs, elle haït les tâches ménagères. Bon. Mais en même temps, tu sais, pauvre Jeanne, quand on regarde les chiffres, les tâches ménagères, ben les femmes, en moyenne, font 60% plus de tâches ménagères que les hommes encore aujourd'hui au Québec, selon l'IRIS. Ouais. Fait que, tu sais... Déjà, là, elle n'est pas bien partie, tu sais, pour elle. Donc, elle est peut-être obligée de sacrifier un peu de son travail, on ne sait pas. Bref. Mais en tout cas, pour son travail, elle n'aime pas les travaux manuels aussi. Donc, ça, c'est sûr, c'est classé dans sa tête, dossier réglé. Elle ne sera pas garagiste. Non. Puis, en même temps, c'est une chance. Hein, parce que quand on regarde les chiffres aussi, on se rend compte que des travaux, que des jobs manuels, par exemple, comme les jobs de construction, où, en fait... Il y a une discrimination systémique selon le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail. Et dans le domaine de la construction, plus précisément, 1,3% des employés sont des femmes seulement. Ah, oh, OK. Donc, tu sais, si tu veux aller là-dedans, si t'es pité une femme, c'est pas bien parti. OK, donc, Jeanne, elle a pas ce problème-là. Elle s'en va ailleurs. Elle a peut-être pensé à la philosophie parce qu'elle aime bien les sujets plutôt abstraits. Elle aime les débats d'idées. Mais par contre, elle se reconnaissait pas trop dans l'univers de la philosophie non plus. Parce que quand on regarde un peu qu'est-ce qu'on fait en philosophie, c'est plutôt discuter de ce que tel gars a pensé de telle ou telle chose la plupart du temps. C'est vrai. C'est vrai. Et puis quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, le taux de femmes dans le domaine, ben, on se rend compte que 28% des doctorants sont des femmes seulement. Et puis pour les professeurs, le taux baisse à 20%. Mm. Mm-hmm. Donc, comment se reconnaître là-dedans? En tout cas, Jeanne, elle ne se reconnaît pas là-dedans. Fait que là... Elle s'est dit, bon, je pourrais peut-être être dans quelque chose de plus concret comme la politique, tu sais. Puis en même temps, ça te permet de contribuer concrètement à la société. Mais là aussi, tu sais, il y a beaucoup de pépins, il y a beaucoup d'obstacles devant elle. Par exemple, au Québec, on sait que seulement 27% des députés sont des femmes. Ah, ouais. Et puis, donc c'est peut-être difficile d'entrer là-dedans, mm-hmm, au final. Et puis elle sait aussi que les politiciennes ont besoin de très nombreux défis devant elles, toujours de manière systématique. Par exemple, au niveau de l'apparence, elles doivent toujours être parfaites, peu importe ce qui arrive. Puis on dirait que, par exemple, les hommes ont des deuxièmes chances à ce niveau-là, mais peut-être pas, ouais, les femmes. Pourquoi, par exemple, quand on tape dans Google « politicienne monde », on voit apparaître en premier le top 25 des plus belles politiciennes? Ben oui, hein? Les plus fourrables, hein? Ouais. Comme dirait Radio X. Écoute. Fait qu'est-ce qui compte chez les politiciennes? On dirait l'apparence. Bon, donc un défi de plus. Donc, ça l'a un peu rebuté, notre pauvre Jeanne. Donc, elle se demandait comment je pourrais contribuer quand même à la société. Elle a peut-être pensé à être femme d'affaires, tu sais, à gérer une entreprise socialement responsable, quelque chose comme ça, tu sais. Mais en même temps, là aussi, c'est pas, ça marcherait peut-être pas, puis elle est découragée là-dessus, parce que quand on regarde les dirigeantes d'entreprise, on se rend compte qu'elles sont extrêmement minoritaires dans le domaine. Il y a une étude de Harvard, par exemple, qui a montré que les femmes attirent systématiquement moins les investisseurs que les hommes. Ah, ouais. OK. Donc, là aussi, ça va pas bien pour elle, la pauvre Jeanne, OK? Fait que, pis tu sais, le plus déprimant là-dedans, c'est qu'elle sait bien que c'est difficile de percer dans les médias puis vraiment de faire une différence dans le monde pour une femme, parce que quand on regarde les médias, une étude de McGill a montré que, dans les médias qu'ils ont étudiés, en tout cas à McGill, 82% des noms cités étaient des noms d'hommes. Ben oui. Ouais, donc 18% c'était juste, c'est simplement 18% c'était des femmes. Tu vois, je viens de dire oh boy, j'aurais dû dire oh girl. Mais bon, cette surreprésentation-là est même présente dans les arts, dans les catégories arts et spectacles. Ouais. Donc c'est partout présent. Et puis, donc là, Jeanne est un peu désabusée de tout ça. Et là, elle s'est dit, bon, je pourrais peut-être me tourner vers la programmation, tu sais, parce que moi, la technologie, ça m'a suivi depuis ma tendre enfance. Ça, c'est cool. Ouais, ça, faut vraiment encourager ça. Et puis, la programmation, ben, malheureusement pour elle, dans le monde du numérique, seulement 28% des employés sont des femmes. Ben, voyons donc. Et seulement 8% sont des dirigeantes des d'entreprises innovantes dans ce domaine-là. Donc, 92% des entreprises innovantes sont dirigées par des hommes. N'est-ce pas? Et aussi, il y a une étude qui c'est en programmation, plus spécifiquement, qui a montré que quand les programmeurs sont évalués anonymement, bien, on se rend compte que les femmes sont mieux évaluées que les hommes. Ah. Mais quand on connaît le sexe des programmeurs, par contre, les femmes sont moins bien évaluées que les hommes. Les préjugés. Hein? Uh-huh. Hein? Fait que là, elle s'est dit, mon Dieu, mais en programmation, il n'y a pas d'avenir pour moi non plus. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Puis elle sait de toute façon que peu importe la carrière qu'elle choisit, elle sait bien que la littérature scientifique est claire sur ce point-là. Quand les femmes sont systématiquement victimes de discrimination à l'embauche, et non seulement à l'embauche, mais aussi durant l'analyse des CV. Par exemple, il y a plusieurs études qui ont montré que des CV complètement équivalents, avec le même contenu, étaient mieux perçus s'ils étaient signés par des hommes. Par des femmes. Donc voilà, pour côté travail, des perspectives plus réjouissantes, mais quand même, elle se dit... je veux quand même aller aux études parce que moi, j'adore l'école. Apprendre. J'adore apprendre, tu sais. Puis moi, j'aimerais bien même me démarquer des autres. J'aimerais ça, tu sais, vraiment exceller dans mon domaine. Malheureusement. Ah non! Il y a tout le temps des mauvaises nouvelles. C'est tout le temps. Oh. Écoute, une étude sur les étudiants universitaires de premier cycle tend à démontrer que les hommes ont tendance à croire que les meilleurs étudiants sont d'autres hommes, même si certaines femmes ont de meilleures notes. Ah. Donc voilà, même là, est-ce qu'elle va être évaluée à sa juste valeur? Bon, en tout cas, au final, bon, Jeanne est un peu découragée. Je sais pas. Puis elle se dit... ouais, je sais pas. Puis elle se dit que, tu sais, ceux qui disent que le féminisme est dépassé en 2016, mais elle vient de se rendre compte que c'est pas mal des imbéciles. Ben, ce sont souvent des hommes. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est pour vrai, là. Ou la minute. elle sait bien que c'est anormal dans une société développée comme le Québec qui a une iniquité salariale de 12% en faveur des hommes, ouais, ouais, ouais. 21% aux États-Unis. Et elle se dit aussi que tu sais, dans une société où non seulement tu as une iniquité salariale, mais tes produits pour même les produits pour les femmes sont rendus plus chers que les produits pour les hommes, tu sais, elle dit, il y a un problème. Donc voilà pour notre pauvre Jeanne. Jeanne, elle est persécutée pas mal, je trouve. Ouais. Il reste la prostitution. Ben, ah. Non, ben oui. Mais en tout cas, bref, Jeanne, vous comprenez qu'elle peut être n'importe quoi. C'était du sarcasme. Oh, oui, on se comprend oui, oui. Là-dedans. S'il y a quelqu'un qui est contre ce que je viens de dire là, c'est bien moi. S'il y a quelqu'un qui rit des antiféministes, c'est bien moi. Ouais. Donc, bref, Jeanne, vous comprenez bien qu'elle peut être n'importe quelle femme et vous comprenez bien que c'est un mal qui afflige pas mal tout le monde. Tellement. Voilà. Et puis, par exemple, je sais pas si ça vous a piqué votre curiosité, là, le truc des achats, là. Mais c'est vrai que ça, c'est... j'aimerais bien revenir là-dessus, si ouais, vous me permettez. Vas-y. Le Washington Post a fait un super bel article là-dessus. En fait, ils ont démontré qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sont équivalents du côté féminin et du côté masculin, mais les versions féminines sont toujours vendues beaucoup plus chères. Oui, oui, oui. Ouais. Aussitôt que c'est rose, ça peut être un stylo. Il y a tout le temps une taxe. Ils appellent ça, c'est quoi? C'est women tax, female tax, quelque chose comme ça? Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Mais prenons pas simplement un exemple, les rasoirs. Ouais, oui, tout exactement. À fait. Des rasoirs, ça c'est un exemple qui est mentionné dans l'article. Un rasoir tout à fait équivalent chez les hommes vaut 14, par exemple, et 99. Chez une femme, ça vaudrait 18 et 99. Ouais. Ou encore un scooter, ben pas un scooter, mais un... une petite trottinette. Une trottinette, c'est ça. Une trottinette rouge pour garçon, ça vaudrait 24$, puis pour une femme, ça vaudrait 49$. Tu magasines pas tes modèles de trottinette demain longtemps, parce qu'il y a de pas grandes options, il y a de pas de check après ça. Il faut la suspension. Et après, c'est Walmart, arrête. Donc, bref, encore beaucoup d'enjeux pour le féminisme, n'est-ce pas? Donc, puis, tu sais, j'ai juste survolé des problèmes plutôt concrets par rapport à l'emploi, la scolarité et tout, là. Mais il y en a plein d'autres, là, évidemment. Ouais. C'est vraiment quelque chose de frustrant, je peux pas comprendre. Puis on entend tout le temps les arguments par rapport à, aux gens qui sont un petit peu anti-féministes ou qui disent que le féminisme n'existe pas. Je pense qu'il y a pas... J'imagine qu'il y a pas tant de gens que ça qui sont anti-féminisme, mais ils disent que le féminisme ne devrait pas exister. C'est un petit peu la même chose. Parce que je pense que l'idée qu'on a du féminisme est très, très péjorative avec, exemple, les filles dans le temps qui brûlaient leurs brassières. C'est ça. Tout ça. Mais c'est celles qui ont donné une mauvaise image au mouvement complet. Puis après ça, t'entends tout le temps les commentaires. Ou aussitôt... les femmes, excusez-le. Oui, mais... exact, non, mais t'as raison. Mais aussitôt qu'une fille ou une femme va dire quelque chose de négatif, tu vas tout... le gars va tout le temps dire « Bon, ben, elle a du sable dans le VVJJ. » C'est ça. Tu sais? C'est tout le temps la première affaire où une fille va rebuter ou repousser un gars. Elle est folle. Le temps, elle est folle. C'est une colline de folle. C'est tout le temps la première affaire, puis ça m'énerve au plus haut point. Ah, il y a beaucoup de phénomènes qui sont décriés par les féminismes, là, semblables à ça. Par exemple, deux phénomènes qui sont super intéressants, puis qui commencent à... Ben, on leur donne un nom, déjà. C'est déjà une chose, là. Le mansplaining, par exemple. Ouais. Je sais pas si vous connaissez ça, ouais. Dans le fond, c'est un homme qui, de manière condescendante, explique quelque chose à une femme, même si cette femme-là en sait probablement plus que lui-même. Mm-hmm. Là. Ouais. Ah, ça arrive souvent, ça. Ouais. C'est génial. Ou encore, tu sais, ça peut être pour plusieurs raisons. Par exemple, peut-être que l'homme veut se montrer supérieur puis lui coupe la parole et explique. Ou encore, assume directement que la femme en sait moins, même si elle en sait plus. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Un autre phénomène plutôt intéressant chez les... que les féministes ont décrié, mais ça, c'est un phénomène peut-être plus mineur, là. Le manspreading, ça vous dit quelque chose? Ah, ça, je connais pas ça, non? Le manspreading. Ouais. C'est d'envoyer plein de photos de soi, non? Non, en fait, quelque chose. Le manspreading, ça, c'est quand t'es dans le métro, puis t'es un homme et que tu prends deux sièges parce que tu t'écartes les jambes. Mais tu sais, ça, dans le fond, c'est pas si grave que ça en réalité. Mais quand t'es plusieurs dans le métro, par exemple, puis qu'on est compressé, puis que les femmes sont toutes pognées dans un pain. Dans leur jupe, parce qu'il faudrait pas que quelqu'un prenne une photo en dessous de leur jupe, mm-hmm. C'est ça, là, c'est ça, être une femme aussi, c'est de se faire prendre en photo en dessous de la jupe, c'est pas le fun, ça. Ah, ça, sinon, je sais pas moi-même. Le voyeurisme est une autre problématique. On pourrait parler de ça par une autre chronique facilement. Mais ce que j'aime sarcastiquement, mettons, par là, c'est. Je parlais tantôt des gars qui disent que le féminisme ne devrait pas exister. Qu'il n'y a plus d'inégalité entre les femmes et les hommes et que c'est rendu égalitaire partout. Mais après ça, ils vont dire que les femmes sont meilleures dans certains domaines, mais après ça, ils vont dire qu'elles sont moins bonnes dans d'autres domaines. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme. Il y a comme deux poids, deux mesures avec les gars. Ils vont tout le temps chialer contre les filles qui ont du sable dans le VJJ. D'un côté, ils vont dire que c'est eux qui contrôlent le monde. Exact. T'es-tu pauvre, t'es-tu con? Merde. Tu peux pas t'associer. Ben, tu peux pas prendre position là-dessus. Ouais. Sinon, c'est très difficile. Sinon, t'es vraiment indifférent là, à tout ce qui arrive dans le monde. Là. Si tu prends position, ce ne soit pas les jambes écartillées. Ce n'est pas une bonne position. Non, ça c'est ça. Tu tombes enceinte, tu laisses la place. Hein? Oui. Hein? Ça, c'est pas être galant, c'est juste être respectueux. Hein? Bien, souvent, là, excusez-moi, là, mais tout à l'heure, on parlait de justement dans un entretien d'embauche. Là, c'est la première fois de toute ma vie que ça m'est arrivé. Je me suis déjà fait dire « Non, mais t'es une femme, tu vas tomber enceinte puis tu vas partir hey, pleine entrevue. » J'ai regardé le gars, j'ai dit « Crois-moi, je partirai pas. » Premièrement, je veux pas d'enfant. Et deuxièmement, t'es qui pour me dire que j'ai pas le droit d'avoir des enfants? Ouais, exactement. Non, mais ça c'est... On a tous vécu ça, pas personnellement, mais vu quelqu'un d'autre le vivre. Gros phénomène qui est très, très médiatisé, ça, en effet. Le fait de demander si la personne, la femme, veut être enceinte dans les prochains mois ou prochaines années ou si elle a en ce moment des affaires comme ça. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment extrêmement discriminatoire, vraiment. Là, évidemment. C'est que t'as souvent pas de preuves, parce que des fois, ils vont pas le dire. T'sais, comme toi, il a été vraiment honnête à outrance, comme ouais. À tort. Mais d'autres vont juste, t'sais, bon, te tasser, mais te diront pas pourquoi. Puis après ça, tu peux juste les accuser, mais en tant que tel, t'as pas de preuves. Ouais. Fait que ça tourne en rond. Hein. Ah, mais c'est sûr que l'idéal, ce serait de prendre des mesures, par exemple, la discrimination positive, qui est toujours intéressante, des quotas minimaux, par minimum. Ça peut être une solution, mais il y en a d'autres. Là. Mais c'est pas un petit peu difficile de commencer à faire des quotas sur les femmes, les races, les handicaps. Les morts de nez, tu vas avoir de la difficulté. Ben, ça dépend, parce que quand tu regardes, par exemple, le nombre d'handicapés au Québec, puis tu te rends compte que, je sais pas moi, j'invente le chiffre, là, mais supposons que c'est 1% de la population au Québec. Mais avoir ben mettons, pas dans une petite entreprise, ça c'est une autre affaire, mais dans une grande entreprise, là, tu peux peut-être avoir des quotas, puis 1% de ta population, 1% de tes employés qui seraient comme c'est une handicapés. Personne sur 100. Ça serait une personne sur 100. Mathématiquement, je pense qu'on c'est à peu près ça. C'est pas des quotas extrêmement... Tu sais, l'ensemble des minorités religieuses, handicap physique et tout, ça pourrait faire grosso modo peut-être 8-9%, je sais pas. Puis les femmes aussi, ça c'est juste du le sens commun, là, ouais, d'avoir un... Parce qu'on est en 2016. Oui, parce qu'on est en 2016. Pas nécessairement avoir 50-50 tout le temps, mais peut-être quelque chose comme 30-40% de quota, tu sais, ça pourrait être ça. Puis en politique aussi, par exemple, c'est super important. Ça, c'est surtout la politique, en fait, vu qu'on représente l'ensemble de la population et puis qu'on est les leaders vraiment du pays ou de la province. Puis en même temps, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que la discrimination positive est intéressante, parce que si on a, par exemple, peu de femmes en philosophie, peu de femmes en politique, peu de femmes dans les médias, bien, s'ils sont pas représentés, s'ils sont sous-représentés, bien, c'est sûr que les femmes se reconnaîtront jamais là-dedans. Ah oui. Puis il va toujours avoir des préjugés à ce niveau-là. Donc, il faut quelque part renverser le truc. Et je pense que c'est un des meilleurs moyens d'y arriver. Là, faut forcer un peu de l'autre bord pour qu'à un moment donné, ça finisse par revenir égal. Exact, ouais. Faut forcer de l'autre bord. C'est tout à fait ça. Forcer de l'autre bord, c'est ça. Mais on voit de plus en plus de femmes là, prendre leur place pour ça, puis se démarquer surtout. Je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver en quelque sorte à un certain moment donné. Là. On n'a pas vraiment le choix. C'est ça. Mais je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a plusieurs femmes qui vont partir leur propre entreprise. Oui, oui, oui. Parce que justement, les fameuses entretiens d'embauche, puis tout ça, c'est là que tu te fais la plupart du temps très discriminée. Donc, si tu y vas avec ta propre entreprise, c'est pas mal toi qui tiens les rênes. Oui. Tout à fait. Puis je vais faire ça pour le gag, absolument pas pour vous reprendre, mais j'aime le fait qu'à travers la chronique, vous avez utilisé un article au lieu d'un article et une embauche au lieu d'une embauche. On dirait qu'on a tout féminisé juste pour le gag. Ouais. C'est marrant. C'était pas pour vous reprendre. On est vraiment bon. Mais bon, pour finir sur une mauvaise note, ça vous tente. Ah non, Jeanne, elle a fait quoi? tu vas parler du pourcentage de taux de suicide chez les femmes, c'est ça? Non, je pourrais vous parler du taux, par exemple, de violence physique puis d'agression sexuelle. Mais en fait, les agressions sexuelles, par exemple, je connais pas le chiffre, c'est sûr qu'il ressort. C'est un sujet, ça. Il ressort souvent, là. On sait que la grande majorité des agressions sexuelles sont commises à l'encontre des femmes. Mm-hmm. Mais par exemple, les violences physiques, je pense qu'en Amérique du Nord, c'est un peu moins pire, là. Mais quand on regarde en Europe, une femme sur cinq est victime de violences physiques par son conjoint. Ouais. Et ce taux-là monte si on inclut toutes les violences physiques en général. Donc, mais là, on veut pas que vous ayez de l'autre côté les femmes en frappant plus sur les hommes pour remonter votre moyenne. Là. C'est pas ça qu'on veut. Mais non. Non. Mais non. On se calme quand même. En effet. Donc voilà, on a fait un beau petit tour de raison. Mais il y a une campagne justement qui est sortie sur ça. Je l'ai moi-même postée sur mon Facebook personnel. Je le mettrai sur la page Facebook d'Assemblage Reiki. S'il te plaît. C'est la nouvelle campagne hashtag I stand up. Je me tiens debout. Je me tiens debout en fait pour justement la condition des femmes puis le féminisme qui est un peu je veux pas dire en déclin parce que le féminisme au contraire est comme sur une bonne aire d'aller dernièrement, mais... Faut arrêter de dire à la mode aussi. Oui, non, je veux pas dire à la mode, vraiment pas. Je pense plus que ça a une montée vers ce que ça devrait déjà être. Ouais. Mais la campagne, vraiment, c'est pour justement dénoncer ce genre de choses-là, la violence, puis tout ça. Donc, je mettrai le vidéo sur la page Facebook d'Assemblage. Et ça, si je peux t'en prendre, ça, c'est féminin, c'est une vidéo. Fait que tu vois, là, on peut le dire. Oui. Là, dis-le. Mais j'allais dire que non, je suis un petit peu tanné, puis là, je monte sur mes grands chemots. Je suis allé d'entendre tout le temps dire que les affaires sont à la mode. Tu sais, l'homosexualité, c'est à la mode. Mm-hmm. Transgenre, c'est à la mode. Le féminisme, c'est à la mode. C'est vrai. C'est à la mode. Tout le temps, c'est pas à la mode. C'est juste que, gars, on s'en rend plus compte parce qu'on en parle. Dude, bro. C'est pas des modes. Ben, c'est sûr que le féminisme, on peut pas dire qu'il est à la mode vu que ça monte. Ben, ouais, ça monte plus ou moins depuis des années, en fait. C'est pas juste un effet de mode. Ça a commencé dans les années 60-70. On a vu l'émergence du féminisme, puis ça continue quand même. À ressurgir, puis on continue à se battre pour la condition féminine depuis. C'est pas juste un effet de mode, là, c'est ouais, sûr. C'est pas éphémère, mettons. Voilà, tout à fait. Bien dit, et nous, pour compenser pour la gaffe, soi-disant, de Radio X sur la femme de Justin Trudeau et la femme de Barack Obama, nous, on va partir le sondage entre la femme de Barack Obama et la femme de Justin Trudeau. Laquelle engageriez-vous pour un poste? OK. Hein? Pas pire, ça? Michel. Michel, clairement, Michel, peu importe le poste, c'est ça. Merci, Jimmy Thibodeau. Y a pas de quoi. Super cool comme chronique. Et on te retrouve la semaine prochaine, toujours les mardis à 8h. Pour ça, dans le monde, que ça se passe. Yes. C'est ça. À plus tard. Yes. C'est cool. Ben oui. Ouais. On prend une petite pause musicale. On va aller prendre Marie-Ève Roy. Oui. Dans le sens qu'on prend son appel. Fais attention, Mathieu Plante. Mathieu! On prend son appel. J'ai rien dit. On prend son appel. Pense croche. C'est un sondage requis. Marie-Ève et ton appel à Assemblage Requis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. La vague glacée des Lofoten. Qu'est-ce qu'est Lofoten? Eh bien, c'est le trésor des surfeurs de l'extrême. Plus d'un millier de surfeurs viennent chaque année se frotter aux vagues glacées de l'Arctique dans le nord de la Norvège, y compris en hiver où les sportifs de l'extrême apprécient un décor unique au monde. À Onstad, dans les îles Lofoten, qui recèlent des paysages parmi les plus beaux de Scandinavie, le souffle chaud du Gulf Stream offre une eau sans glace tout au long de l'année. Dans les fjords, les flancs de montagnes enneigées forment un camailleux de couleur froide avec un ciel changeant, l'écume et une houle cristalline. À cette époque où la mer de Norvège est à 5 degrés, tandis que la température dans l'air tourne plutôt autour de zéro, et avec un vent souvent cinglant, les surfeurs enfilent une combinaison intégrale avec cagoule de 5 à 7 mm d'épaisseur selon les modèles, plus les bottillons et les gants du même type. C'est du surf aventure et en étant dans l'Arctique, une expérience complètement différente des autres endroits. Surfer ici, c'est plus qu'une mission, dit-il. C'est les amateurs qui disent ça. Avec le froid, on ne peut pas se contenter d'enfiler sa combinaison et surfer un petit peu. Il faut être bien préparé, commente Tommy Olson, propriétaire de Onsted Arctic Surf et pionnier de ce surf arctique. L'atout de ce sport au nord du cercle polaire, c'est la combinaison entre les vagues de la façade ouest de l'Europe et le relief de la côte rocheuse sur laquelle elle se brise. Ils attirent les Scandinaves qui évoluent à domicile et tous les passionnés, qui sont venus d'ailleurs, amateurs ou même professionnels, qui peuvent dans la même journée surfer et même skier. Au lieu de la rencontre avec les requins, traditionnel danger du surf en eau tropicale, les îles Lofoten offrent plutôt la perspective de côtoyer des phoques et apercevoir des orques, et peut-être aussi avoir la chance d'admirer des aurores boréales. C'est clair qu'au nord, comme ça, quand la nuit tombe, si vous êtes encore sur la mer ou en tout cas en train de faire du ski, ben vous aurez sûrement la chance de voir ce spectacle grandiose. Pollution. Les pigeons vont-ils sauver la planète ou en tout cas nous sauver la vie? À Londres, une douzaine de pigeons ont été équipés de minuscules sacs à dos pour mesurer la qualité de l'air. Et sérieux, c'est tout beau, c'est tout riquiqui de voir tous ces petits habits pour pigeons. Eh bien oui, ennemi public numéro un, sauf dans l'assiette de certains restaurants gastronomiques, les pigeons pourraient prendre leur revanche et devenir les meilleurs alliés des citadins. OK. À Londres, où ces volatiles pullulent autant qu'à Paris ou dans plusieurs autres villes, grandes villes, une drôle d'expérimentation vient d'être lancée pour quelques jours. Les pigeons, équipés de sacs à dos microscopiques ne pesant pas plus de 25 grammes, donc on a équipé ces pigeons de petits sacs à dos. Et Norbert, Winston, Coco ou encore Julius, ça c'est les noms des pigeons, sont chargés de surveiller la pollution qui frappe la capitale anglaise. Un capteur GPS se charge de les géolocaliser et détermine les quartiers les plus frappés par les pots d'échappement. Aussi simple que ça. Mais attention, point de plaisanterie, ce travail de haute voltige n'est réservé qu'aux meilleurs spécimens. Le pigeon glouton de Trafalgar Square, à l'affût de la moindre miette laissée par un tourisme en goguette, n'a aucune chance de figurer parmi les heureux élus. C'est une dizaine de pigeons de course qui ont été recrutés pour une mission très spéciale. Ils ont même été élevés par un certain Brian Woodhouse c'est ce qu'a révélé le quotidien anglais The Guardian et qu'il cite... Il y a tabaye, Seigneur, c'est quoi ça? C'est le fun, ça, j'aime bien ça. Donc, on cite Brian Woodhouse. Il y a quelque chose d'amusant à apprendre ce qui est vu comme un rat volant pour en faire quelque chose de positif. Et de confier que cette idée lui est venue en se souvenant que des pigeons avaient été chargés de transmettre des messages lors des deux grandes guerres mondiales. La plupart du temps, quand on parle de pollution, les gens pensent à Pékin, mais certains jours à Londres, l'air est encore plus toxique que dans la capitale chinoise. C'est ce qu'a expliqué Pierre Desquenois. Du côté de la communauté scientifique, qui est teintée bien sûr d'une touche d'humour typiquement british, la surprise est de mise. C'est génial que des pigeons au chômage trouvent enfin du travail. À Mexico, il y a une quinzaine d'années, des tests ont été menés sur 150 chiens errants. Ils ont permis de démontrer les dégâts de la pollution que la pollution causait aux poumons ainsi qu'au cœur. Mais c'est la première fois que j'entends que des animaux sauvages urbains vont être munis de capteurs pour surveiller la qualité de l'air. C'est de quoi s'est amusé Gary Fuller, un expert du King College. Dorénavant, plutôt que de chasser d'un coup de pied un pigeon qui s'est approché un peu trop près de votre chaussure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Très intéressant cette découverte, mais cette nouveauté. Ici, gros dossier, mais très intéressant. Comment fête-t-on la Saint-Patrick sur Pornhub? Hein? Ce célèbre site pour adultes vient de partager une infographie sur les recherches les plus effectuées le jour de la fête irlandaise. Accrochez-vous, c'est plutôt bizarre. Après Noël et la Saint-Valentin, la plateforme porno s'est penchée sur les demandes les plus récurrentes des utilisateurs le jour de la Saint-Patrick. La fête, initialement chrétienne, célèbre l'évangélisateur de l'Irlande du même nom, Saint-Patrick, qui aurait réussi à expliquer le concept de la Sainte-Trinité aux Irlandais au moyen d'un trèfle, devenu depuis le symbole de cette nation. La Saint-Patrick, profita également de son passage pour chasser tous les serpents du pays, en même temps qu'il ramenait les habitants sur le droit chemin du monothéisme. Jusqu'ici, Rien de très sexy qui donne envie de voir l'évangéliste en action avec deux pécheresses sur Pornhub, quoique... Nul ignore que depuis la fête, c'est légèrement galvaudé, puis qu'elle assimile aujourd'hui. Elle s'assimile à un jour férié où il est convenu de porter du verre et de se prendre une cuite, et même de prendre la cuite de l'année. Hein? C'est une fête de la boisson. Donc, la Saint-Patrick, donc on nous a envoyé le petit infographie comme ça. L'autocélébration nationale ne se limite pas donc aux portes des pubs ou des pubs, comme nous l'apprend Pornhub, qui enregistre une hausse mondiale de 625% des recherches contenant le mot « Irish » ou « Irlandais », bien sûr, et 260% pour le mot « luck » ou « chance ». Ces hausses sont néanmoins largement du fait des connexions depuis l'Irlande, puisque le site enregistre une progression de 11% des utilisateurs dans le nord du pays ce jour-là, ainsi que 5% dans l'Ire. Certains savent vraiment profiter de leur jour férié. En plus du jour férié, ils sont sous. Quand t'es sous, des fois, t'es chaud dans tous les sens du terme, hein? L'esprit de la Sainte-Patrick enivre donc les Irlandais dans des moments les plus intimes de leur journée. Vous l'aurez compris, leurs fantasmes sont teintés de l'imaginaire du mythe, comme le révèlent les termes les plus recherchés ce jour-là sur Pornhub. En première place, incroyable mais vrai, c'est le mot « leprechaun » ou « leprechaun » avec une progression de 9325% qui fait exploser les statistiques du site. Les Irlandais ont-ils une passion secrète pour les farfadets tout de vert vêtus, portant un collier de barbe rousse ainsi qu'un chaudron de pièces? Ou est-ce la quantité de bière ingurgitée qui réveille en eux le besoin de savoir si les leprechauns ont une vie sexuelle normale? Le mystère restera pour l'instant sans réponse. S'en suivent ensuite des recherches moins étonnantes comme Irish Cream Pie, on peut comprendre, Irish Anal en cinquième place, ou Irish Cougar, Irish Teen aussi. Vous connaissez le dicton qui dit qu'il y a une version porno de chaque chose? Eh bien, apparemment, il y a une version irlandaise de chaque catégorie de porno. Happy Birthday, Saint Patrick. Happy Saint Patty Day, devrait-on dire. Bien intéressant, cette petite recherche, cette petite infographie de Pornhub. Maintenant, on s'en va vers quelque chose de vraiment inutile, ridicule, mais quand même intéressant. Parce que on parle de l'oiseau de Twitter. En tout cas, vous connaissez le logo de Twitter, hein, ce petit cui-cui. Donc, l'oiseau de Twitter retrouvé gravé sur un silex vieux de 35 000 ans. Ben oui, c'est pareil comme ce matin, ce matin, j'ai vu Jésus-Christ. Bon, un oiseau gravé par l'homme moderne sur un morceau de silex a été retrouvé en Dordogne et a été mis à jour par des archéologues. Il ressemble au logo de Twitter, mais il date d'environ 35 000 ans. L'équipe d'archéologues y voit l'expression d'un art éphémère, voire ludique. L'oiseau fait environ 5 cm sur 5 cm. Il a été retrouvé il y a plusieurs années lors de fouilles préventives réalisées par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, sur le site de la Doline de Cantalouette, près de Bergerac. Le morceau de silex gravé, analysé récemment en Espagne, a permis d'établir que l'oiseau était une œuvre d'art de l'Aurignacien, okay, période du Paléolithique supérieur qui voit l'arrivée de l'homme moderne en Europe occidentale. À l'aide d'un outil de pierre, le graveur a travaillé l'enveloppe calcaire d'un éclat de silex pour représenter de façon très figurative un oiseau. C'est ce qu'a expliqué Lawrence Bourguignon, archéologue spécialiste de la préhistoire à l'INRAP. Cela aussi pourrait être un passereau, un torcol fourmilier, voire même une caille ou une perdrix. Certaines personnes qui ne sont pas archéologues y voient même le logo de Twitter, a-t-il ajouté. L'objet a été retrouvé au milieu de déchets dans un atelier de taille de silex où les hommes préhistoriques fabriquaient leurs armes ou des lames. L'œuvre diffère fondamentalement des autres expressions artistiques contemporaines comme celle de la grotte de Chauvet, car elle n'est pas faite pour perdurer, souligne l'INRAP. Selon l'Institut, cela montre que les manifestations artistiques de cette époque ne sont pas exclusivement liées au renforcement des réseaux sociaux et aux croyances, mais aussi aux expressions créatives éphémères, voire ludiques. Qui sait si ce petit oiseau n'a pas été gravé par son auteur qui était très doué pour chasser son ennui, se demande toujours Laurence Bourguignon. Et finalement, avant d'aller en musique, je vous présente cette dame qui a gagné à elle seule le plus important gros lot jamais vu au Canada. Une femme de Mississauga en Ontario a gagné ce qui est appelé le plus important gros lot de l'histoire de la loterie canadienne. Elle s'appelle Z Wang. Elle est la seule à posséder la combinaison gagnante de la Ontario Lottery and Gaming Corp, l'OLG. L'agence... Mais comment ça se fait que nous, on peut pas participer à ces concours-là? Parce qu'on sait qu'à travers le Canada, on vient jouer à l'Auto-Québec. Hein? On joue 649. On joue... Comment ça fait que c'est la première fois qu'on entend parler de la Ontario Lottery and Gaming Corp? En tout cas, l'agence dit que le billet de la Loto 649 avait été... OK, c'est un 649. Avait été acheté le 17 octobre dans un Petro-Canada. OK. De Mississauga, l'OLG dit que la victoire de Wang la place au premier rang des Canadiens qui ont remporté le plus imposant gros lot à elle seule. Avant l'Ontarienne, le plus grand gagnant de la Loto 649 avait reçu 63,4 millions de dollars le 13 avril. Mais elle nous dit pas le montant qu'elle a eu. Je pense qu'elle veut garder ça pour elle. Hein? On le saura peut-être jamais. Sur ce, eh bien, on s'en va en musique avec... Qu'est-ce que je vous ai préparé? Ah oui! On y va avec... Hey, c'est où? Oui, OK. Chainsaw. On y va tout de suite avec Tire le Coyote et la pièce Chainsaw. Pièce avec qui j'ai découvert ce charmant bonhomme qui est Benoît Pinette. Chainsaw de notre ami Benoît Pinette, Tire le Coyote. Excellent. On continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Ici, j'ai quelques nouvelles très, très coquines qui s'en viennent. On parle de sexe oral. Serait-il mauvais pour la santé? On nous dit que, selon des études, 70 % des cancers de la tête et du cou seraient dus à une MST. Oups! Donc, vous vous souvenez quand Michael Douglas déclarait que son cancer était dû au sexe oral? Eh bien, il n'avait peut-être pas tort. Une récente étude menée par la faculté de médecine Albert Einstein à New York semble démontrer la responsabilité du papillomavirus dans le développement des cancers de la tête et du cou. Sur 97 000 personnes testées, celles atteintes du HPV ont été suivies pendant 4 ans et 132 cas de cancer de la tête et du cou ont été repérés dans la foulée. D'après la revue JAMA Oncology, le virus sexuel transmissible HPV-16 présent dans la bouche multiplierait les risques de développement des cancers de l'oropharynx par 22, détectables par un simple bain de bouche et prévenus par un vaccin. Le HPV peut également être responsable du cancer du col de l'utérus. C'est plate, ça? Vraiment? Oui. Buzz, la mascotte des Cheerios n'est plus sur les emballages et ce, semble-t-il, pour une bonne raison. La prochaine fois que vous retirez de l'étalage... de l'étalage une boîte de céréales Cheerios au miel et aux noix de l'épicerie, vous remarquez peut-être quelque chose de différent. Eh bien, General Mills Canada a enlevé Buzz, qui était sa célèbre mascotte de la devanture des boîtes canadiennes de Cheerios et ce, pour une bonne cause. L'entreprise veut sensibiliser les gens à la disparition des colonies d'abeilles à travers le monde et donc c'est à l'occasion de leur campagne « Ramenons les abeilles ». Le but de cette initiative est d'offrir au public autant de semences de fleurs sauvages qu'il y a de résidents au Canada. C'est la première fois de notre histoire que nous enlevons Buzz de la boîte, a expliqué la directrice marketing de General Mills Canada, Emma Erickson. Face à la diminution de la population d'abeilles au Canada, nous voulions montrer cette problématique sur notre emballage et faire un appel à l'action des Canadiens afin d'aider à planter 35 millions de fleurs sauvages, une par habitant au Canada. L'entomologue Marla Spivak, a expliqué lors d'une conférence TED Talk en 2013 que les colonies d'abeilles ont commencé à disparaître autour de 2006. Au moment de sa conférence, la population globale était à environ de 2 millions. La population globale était environ de 2 millions comparativement autour de 4,5 millions en 1945. Mais là, il y a pas mal plus que 2 millions d'abeilles. En tout cas, je ne sais pas les chiffres d'où ils viennent, mais en tout cas, ça a réduit de la moitié, on pourrait dire ça. Plusieurs raisons expliquent ce déclin, entre autres les pesticides utilisés sur les fermes qui tuent les abeilles, les fertilisants synthétiques choisis par les agriculteurs qui éliminent les plantes nécessaires à la survie de cet insecte. General Mills s'est donc associé à Vasey Seed, une compagnie de l'Île-du-Prince-Édouard, pour offrir aux Canadiens la possibilité de planter le plus de fleurs possible ce printemps. Si vous êtes intéressé, vous pouvez commander vos graines sur le site dédié de la campagne et vous avez aussi une chance de gagner grâce au concours un jardin de fleurs sauvages d'une valeur de 5 000 $. La campagne hashtag Ramenons les abeilles se termine en juillet. Très, très bonne chose de la part de General Mills. C'est le fun de voir des grosses compagnies comme ça qui font une petite partie de l'effort. Les 4 positions sexuelles les plus dangereuses pour votre pénis, messieurs, prenez des notes en fin de semaine, là, hein, parce que les choses les meilleures sont rarement bonnes. Parce que les choses les meilleures sont rarement bonnes pour la santé. Certaines positions sexuelles peuvent attenter à votre virilité de façon très douloureuse. Donc, d'après les études menées par le docteur Anne Berrick de l'Université d'Indiana, les blessures durant les rapports sexuels sont plus souvent le fait du lieu choisi sur un bureau de travail ou le lavabo des toilettes ou autre que la position en elle-même. Pourtant, certaines techniques sont plus dangereuses que d'autres et peuvent vous infliger une douleur allant du mal de dos à la fracture du pénis. Non, pas ça. Au nom de la pérennité de votre matériel personnel, suivez bien ce manuel de mise en garde. Donc, on commence. Le cuisinier enflammé. Cette pratique n'a pas de nom officiel, mais a été normalement testée par tous les couples bénéficiant d'un bon plan de travail dans leur cuisine. Madame est assise sur le bord pendant que vous vous hissez sur la pointe des pieds pour l'honorer. Dans le feu de l'action, vous pouvez sortir de votre partenaire et aller vous écraser sur le meuble ou sur son os pelvien. Potentielle fracture du pénis ou vilaine coupure qui est à la clé. Vilaine coupure. Le gymnaste passionné. Vous connaissez ces grosses balles en PVC souple normalement utilisées pour faire des exercices de musculation. Et à ceux qui aiment se muscler les mollets tandis que leurs conjointes les enfourchent, sachez que les fractures du pénis sont plus généralement dues aux positions où le pénis se retire entièrement durant le va-et-vient. Eh bien oui, c'est une finalité assez probable dans ce genre de situation et le poids de votre compagne, aussi menu soit-elle, risque d'endommager sérieusement votre phallus. Il en va de même si vous remplacez la balle par la marche d'un escalier. Effectivement. L'Amazon Cowgirl, encore là, madame, vous chevauche tandis que vous êtes sur le dos, sauf qu'au lieu de s'appuyer vers l'avant, elle se penche en arrière de façon rodéo enflammée. Sur le long terme, cette pratique peut entraîner une hyper-extension du pénis. Et non, c'est pas si cool que ça en a l'air et qui le fera se dresser d'une façon, d'une drôle de façon. Si drôle que vous ne pourrez plus avoir de rapport sexuel. Si vous sentez un tiraillement ou une fissure à ce niveau, rapatriez votre partenaire vers une position plus verticale. Elle est trop derrière un peu. Et les chasses sauteuses. En gros, il s'agit d'un missionnaire, mais à la verticale. Vous portez votre compagne tandis que vous vous tenez debout en arquant les jambes et en faisant un effort avec votre dos et votre bassin pour la pénétrer. Vos lombaires en prennent un coup et c'est le mal de dos assuré. Par ailleurs, en raison de l'instabilité de vos appuis, vous risquez plus facilement de tomber et de vous faire vraiment, mais vraiment mal en lâchant en plus madame au sol. Eh bien oui, c'était les quatre positions les plus dangereuses pour votre pénis, messieurs. Et puis, pour vous rendre à conclure, là, hein, ben il faut attiser madame. Alors, je vous envoie 5 trucs pour attiser le désir d'une femme. C'est le mensuel américain Men Health qui a regroupé différentes études réalisées sur le désir féminin. Voici quelques astuces simples pour un résultat, mettons, presque garanti, hein, parce que c'est de même. Il n'y a rien de garanti avec des humains. Donc, premièrement, il faut lui proposer un tour de montagne russe. OK? Parce que des recherches de l'Université d'Austin révèlent qu'après un tour dans un manège terrifiant, on ressent un pic d'attraction pour le sexe opposé. L'adrénaline déclenchée par ce genre de situation fait monter dangereusement l'excitation. Alors, si vous n'habitez pas Disneyland, regardez un film d'horreur pourrait avoir le même effet. Bonne chose. Messieurs, portez du rouge. L'Université de Rochester a observé que les femmes avaient tendance à trouver plus attirant sexuellement des hommes vêtus ou entourés de rouge. D'après leurs recherches, cette couleur symboliserait l'argent et le pouvoir. Alors, c'est l'heure d'étrenner votre costume de Père Noël, peut-être. Autre façon d'attiser le désir de madame, eh bien, l'entraîner sur le dance floor, ça, c'est officiel, hein? C'est la revue Biology Letter qui nous apprend que les femmes aiment vous voir vous déhancher en musique. Chacun de vos gestes est une promesse de souplesse, d'endurance ainsi que de force. Autre truc, tout à fait vrai aussi, jetez votre maudit déodorant, hein? Tous ces efforts pour faire oublier que vous dégagez des odeurs alors que l'Université de Berkeley vient de prouver que les âmes sont excitées quand vous sentez le fauve. Ben oui, pas quand tu sens le pas lavé depuis une semaine, mais quand tu sens l'homme, hey, les femmes sont excitées. Ça s'appelle les phéromones, c'est juste la base, c'est normal. Et peut-être aussi lui proposer un verre de vin rouge. Cette étude aussi nous provient d'Italie, de l'Université de Florence, pour être exact, et elle vante les vertus du vin rouge sur la libido féminine. Celles qui boivent 1 à 2 verres par jour ont non seulement un désir sexuel plus élevé, mais elles n'ont jamais de panne de lubrifiant naturel. Bonne chose à savoir. Et puis, tiens, on se fait-tu cette... Non, c'est un trop gros dossier. On va parler, tiens, de cette petite nouvelle. On apprenait tôt cette semaine le décès de Kate Emerson. Hein. J'en ai été vraiment attristé parce que j'étais un fan. J'ai même été voir Emerson, Lake & Palmer au défunt Forum lors de leur dernière visite, qui avait été un excellent spectacle de ELP. Mais là, c'est ça, c'était la mort de Kate Emerson. Eh bien, là, on apprend ce qui avait été confirmé selon certaines rumeurs. Eh bien, il s'est bel et bien suicidé. Le claviériste du groupe rock progressif Emerson, Lake & Palmer, eh bien, Kate Emerson s'est bel et bien suicidé, a confirmé le bureau du coroner mardi dernier. Porte-parole du coroner de Los Angeles, Ed Winter, a expliqué que l'autopsie avait démontré que Kate Emerson s'était tiré une balle dans la tête. Il a ajouté que l'homme de 71 ans souffrait de problèmes cardiaques. Le corps du claviériste a été retrouvé vendredi par sa compagne de longue date. Les autorités privilégiaient la thèse du suicide pour expliquer la mort violente de Kate Emerson, ce que l'autopsie a confirmé. Le groupe Emerson, Lake & Palmer, que Kate Emerson avait fondé avec le batteur Carl Palmer et le chanteur-guitariste Craig Lake, était un emblème du rock progressif, dans les années 70. Ils avaient enregistré 6 albums qui ont été certifiés platine. On le salue de bien bas. Hein? Vraiment, Kate Emerson, un des plus grands clavieristes de tous les temps et qui a vraiment inspiré les gens qui aiment le clavier et de façon rock, parce qu'on avait vraiment l'image à l'époque, me semble que le clavier, c'était un geek ou quelqu'un de très, très... très posé, très, très pianiste. Eh bien, Keith Emerson était tout à fait le contraire de ça. Moi, je me rappelle de l'avoir vu, puis c'était dans les dernières années. Imaginez, dans ses meilleures années, quand il était plus jeune. Moi, c'est dans les années 90 que je l'ai vu, là. Mais il prenait littéralement son B3, le jouait à l'envers, faisait un peu... Moi, je vous explique. Keith Emerson, pour ceux qui le connaissent pas, là, c'était le Jimi Hendrix du clavier. Tout simplement, jouait avec les feedbacks, pouvait mettre le feu à son clavier, pouvait y planter des jackknifes. Moi, je me rappelle, il avait planté des jackknifes, des couteaux à cran d'arrêt. Il avait sorti ça, plantait ça dans une ou deux notes, donc ça faisait une note qui tenait le ton, là, un genre de drone. Et puis, les gars de Jamais là-dessus de façon assez, assez violente. Vraiment, c'est ça. Paix à ton âme, Kate Emerson. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cestfou.ca.